faire ce travail, j'avais profité en fait d'une infrastructure qui est unique au monde, à mon avis, qui est l'INATEC, donc un endroit qui est à la BNF où on peut visionner en fait toutes les archives de la télévision. Je me suis intéressé particulièrement à la télévision, je vais vous expliquer peut-être pourquoi tout à l'heure. Mais en gros, parce que c'est vraiment le média, en tout cas de ces 30 dernières années, qui a été le plus influent, le plus puissant. Donc ma méthode de travail, ça a été d'abord d'essayer de naviguer un peu dans les mots-clés de l'outil de recherche de l'INATEC, c'est-à-dire essayer de parce que forcément, les mots-clés qui sont utilisés par les gens qui à l'INATEC dépouillent ces archives sont fluctuants. Donc j'ai essayé de travailler d'abord là-dessus. Ensuite, à partir de là, je me suis restreint aux journaux de TF1 et Antenne 2, France 2, parce que les journaux de 20 heures, hein, c'est un format relativement constant sur 30 ans, en temps, hein, constant, c'est à peu près une demi-heure à chaque fois, c'est à peu près les mêmes formats, etc. Donc ça permet de faire des comparaisons dans le temps. Et comme moi, je faisais un travail historique, recherche historique, ça me permettait de voir quelles étaient les évolutions dans le temps du discours. J'ai fait pas mal de statistiques aussi sur, justement, pour essayer de comprendre qui étaient ces représentants ou supposés représentants de l'islam en France. Donc j'ai fait des tableaux, j'ai vu comment, qui était sollicité finalement sur les plateaux de télévision ou dans les reportages pour parler de l'islam ou au nom de l'islam. Ensuite, j'ai fait un énorme travail de visionnage, donc ça un peu en deux parties d'une certaine façon, puisque d'abord j'ai regardé je pense tous les journaux de 20 heures sur 30-35 ans, on va dire, sur ces questions-là, tous les reportages qui ont été faits, etc. Et ensuite, donc ça, c'était pendant mon travail de recherche académique. Et ensuite, j'ai été sollicité, en fait, par les éditions de la Découverte pour faire un livre. Donc là, j'ai élargi donc, la période temporelle jusqu'à, effectivement, 2005, puisque le livre est sorti en 2005, mais aussi l'espace de recherche. C'est-à-dire que c'était plus uniquement les journaux de 20 heures, c'était aussi toutes les émissions qu'il y a autour, les autres chaînes que TF1 et Antenne 2, France 2, et également le contexte médiatique, le champ médiatique de façon plus large, donc également la presse écrite et les magazines. Donc dans le livre, en fait, ça parle beaucoup de télévision, mais ça parle aussi de plein de supports écrits. Donc voilà un peu la méthode de travail. Alors malheureusement, j'avais tapé un texte pour aujourd'hui, je me suis aperçu que j'en avais à peu près pour 4 heures à vous raconter ce que j'ai à vous raconter, donc je ne sais pas très bien comment je vais m'en sortir pour vous raconter tout ça. Mais je vais partir de l'idée quand même qu'on parle beaucoup d'islamophobie depuis le 11 septembre 2001, et je pense que ça crée une sorte d'illusion d'optique, quoi. On parle d'islamophobie, donc on a l'impression que l'islamophobie n'existe que depuis le 11 septembre 2001. Or, le travail que j'ai fait montre que c'est bien antérieur, et qu'à mon avis, il faut revenir un peu aux racines de ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamophobie. À mon avis, l'islamophobie contemporaine, les expressions contemporaines de l'islamophobie remontent aux années 70, notamment la crise économique des années 70, du milieu des années 70. Et l'idée que je voudrais développer dans le propos aujourd'hui, c'est la suivante, c'est que l'objet islam, dont les médias se sont saisis au cours des 3 ou 4 dernières décennies, et qu'ils ont contribué à construire, est devenu un outil qui a permis de faire triompher, je lis parce que c'est l'hypothèse de départ, qui a permis de faire triompher la révolution conservatrice amorcée au moment de la crise des années 70. L'inflation du discours sur l'islam a eu tendance à faire sortir les questions de classe, du champ de vision générale dans la société française, et de singulariser en les criminalisant et en les racisant sur un mode euphémisé, les segments les plus fragilisés des classes populaires. C'est ça mon hypothèse. En d'autres termes, c'est que ce processus, finalement, qui a permis de faire triompher toute une logique conservatrice, et dans lequel les médias ont joué un rôle actif, n'a pas seulement eu pour fonction, finalement, de mettre à l'index les musulmans, mais plus largement a été utilisé comme un instrument pour propager un agenda, on va dire, politique, conservateur et libéral. Donc en gros, ça c'est à mon avis très important pour les gens qui réfléchissent sur l'islamophobie ou qui combattent l'islamophobie, de ne pas considérer que c'est uniquement une arme contre les musulmans. À mon avis, c'est beaucoup plus large que ça. C'est plutôt un outil qui est utilisé pour faire passer à des agendas beaucoup plus larges que ça. Donc voilà, donc je vais développer cette idée en trois parties. Défendre l'Occident, accuser les musulmans. La deuxième partie, l'islam dans ce que j'appelle la machine médiatique, de l'antiracisme individuel à l'islamophobie institutionnelle. Et la troisième partie, plus contemporaine, sur les logiques de guerre, disons contre-subversives, contre l'islam. Donc je vais partir d'une situation, ce que j'appelle contexte général, qui est... Bon, c'est assez schématique, mais en gros, c'est pour expliquer dans quelle situation on est dans les années 70, avant que la crise, notamment la crise pétrolière, éclate. Il faut bien voir que la crise des années 70, c'est une crise économique, c'est une crise donc sociale, c'est une crise politique, mais c'est aussi une crise morale. C'est-à-dire, à cette période-là, il y a une sorte de doute dans les pays occidentaux, notamment dans les pays qu'on appelait capitalistes à l'époque, où il y a vraiment une interrogation sur le statut de l'Occident et des nations occidentales dans le monde. Donc je pars du contexte général qui est qu'en fait, au milieu des années 70, on est dans un contexte relativement stabilisé. C'est-à-dire que l'idée de nation dans les pays occidentaux est relativement stable. La phase de décolonisation s'est terminée. Et l'idée que les frontières de la nation sont les frontières métropolitaines est relativement consensuelle. C'est-à-dire, il y a effectivement en Europe la construction européenne, mais elle se fait sur un mode interétatique, c'est-à-dire il n'y a pas d'instance à l'époque supranationale de décision. Donc une conception de la nation relativement stable, une conception de l'État et du rôle de l'État relativement consensuel également. On est dans un contexte qu'on peut appeler de type fordiste keynésien, c'est-à-dire où on est dans des pays industrialisés, où l'État joue un rôle de redistribution, enfin en tout cas est considéré comme devant jouer un rôle de redistribution. Ça, c'est un consensus qui s'est installé pendant les Trente Glorieuses après 1945. Et c'est très fort en France d'ailleurs, puisque à la fois les gaullistes, finalement, il y a, quels que soient les slogans et les grands arguments, il y a une sorte de consensus entre les gaullistes, les communistes, les socialistes autour de cette idée d'un État-providence qui va redistribuer des richesses. Alors il y a différentes conceptions de ça, mais c'est quand même relativement consensuel. Et puis la troisième caractéristique, c'est peut-être un peu plus contestable, mais c'est l'idée que les pays du Sud, finalement, il faut les aider, ce qu'on appelle à l'époque les pays du tiers-monde, finalement, il ne faut pas trop les écraser. Ils se sont révoltés contre le colonialisme, contre la colonisation, et que finalement, si on veut stabiliser les choses, et si on veut qu'ils ne tombent pas dans le camp communiste, il faut quand même avoir une politique, disons, d'ouverture par rapport à ces pays-là. Là encore, en France, hein, particulièrement, il y a un consensus, par exemple, entre une sorte de tiers-mondisme d'État du général de Gaulle qui va au Vietnam, enfin au Cambodge, ou qui critique l'État d'Israël. Voilà. Et puis à gauche aussi, un tiers-mondisme beaucoup plus militant, beaucoup plus anti-impérialiste, beaucoup plus révolutionnaire. Mais finalement, il y a une sorte d'accord là-dessus, hein, sur l'idée que bon, il faut avoir une attitude ouverte. Bon, alors c'est un schéma très, très rapide, mais en gros, c'est tout ce schéma qui va être mis en cause à partir du milieu des années 70. Alors avec à la fois l'effondrement des idéologies et du militantisme, on va dire, progressiste, et puis aussi une offensive des milieux conservateurs, notamment aux États-Unis. Donc finalement, toute une série de courants conservateurs vont réémerger avec cette idée que finalement l'Occident existe déjà, pour commencer, et doit se défendre contre tous ses ennemis, ses ennemis extérieurs, ses ennemis intérieurs. Alors l'ennemi extérieur, à l'époque, c'est évidemment le communisme, mais également, pour ces courants-là, c'est tous ceux qui, finalement, à l'intérieur de l'Occident, remettent en cause les valeurs occidentales, etc. etc. Donc on va voir émerger une pensée pro-occidentale ou occidentaliste qui va avoir tendance à qualifier, à même construire l'altérité sur un mode de conflictualité radicale. Je cite Bernard Lewis, qui est évidemment un des grands penseurs de ce courant, qui, dès 1957, après la crise de Suez, explique, je cite, les ressentiments actuels des peuples du Moyen-Orient se comprennent mieux lorsqu'on s'aperçoit qu'ils résultent non pas d'un conflit entre des États ou des nations, mais du choc entre deux civilisations. On est en 1957. Depuis un siècle et demi, le Moyen-Orient musulman subit la domination de l'Occident, domination politique, économique et culturelle, même dans les pays qui n'ont pas connu un régime colonial. Je me suis efforcé de hisser les conflits du Moyen-Orient, souvent tenues pour des querelles entre États au niveau d'un choc des civilisations. Donc cette pensée-là, qui était relativement invisible, on va dire, en 1957, relativement peu formulée de cette façon à cette époque-là, va réémerger justement à la fin des années 70. Alors on sait que Bernard Lewis, en 91, va faire un texte où il va reprendre ça, reformaliser ça, et que Samuel Huntington va ensuite écrire un livre, Le choc des civilisations, en 93. Alors évidemment, la cible principale de ces courants conservateurs, c'est ceux qui sont à la jointure entre ce que Lewis appelle la civilisation musulmane et l'Occident, en l'occurrence les courants militants, notamment tiers-mondistes, qui justement essaient de dépasser la fracture civilisationnelle. Et c'est très important parce que le tiers-mondisme, la France est considérée dans les années 70 comme le berceau du tiers-mondisme. Et donc en France, ça va jouer un très grand rôle. D'ailleurs, Bernard Lewis, dans son texte en 91, explique que le tiers-mondisme a été surtout porté en France. Etc. Et ça, c'est vraiment une des cibles majeures de ces courants conservateurs. Alors, dans toute cette logique, la révolution iranienne de 78-79 est, à mon avis, un moment extrêmement important, puisque ça va, d'une certaine façon, valider par l'image toute cette idée qu'il y a vraiment une fracture, un choc civilisationnel. Alors, je ne sais pas si vous avez en tête... j'ai pas malheureusement réussi à vous trouver... à mettre dans mon PowerPoint des images de la révolution iranienne. Je vous montrerai quelque chose tout à l'heure. Mais en gros, il y a quand même cette idée au début, dans la presse, notamment dans la presse de gauche française, que c'est une révolution progressiste, qu'on va abattre le Shah, qui est quand même un dictateur autoritaire, etc. etc. La révolution va basculer, finalement, il va devenir islamique. Alors du coup, tous ces courants conservateurs, qu'ils soient aux États-Unis, en Angleterre ou en France, vont en profiter, finalement, pour dire, vous voyez bien qu'on avait raison, il y a bien un choc civilisationnel, il y a bien une incompatibilité entre le programme de la Roumanie et notre programme et nos valeurs occidentales. Et ça joue un rôle extrêmement important, puisque toutes les images de la révolution iranienne, notamment les femmes en tchador, etc., pendant toutes les années 80, ça va être un peu l'iconographie habituelle et systématique, finalement, du traitement de l'islam, où qu'il soit, y compris en France. Alors, dans ces courants, il y a un représentant qui est assez symptomatique, c'est Pascal Bruckner, qui écrit en 1983 un livre qui s'appelle « Les sanglots de l'homme blanc », sous-titré « Tiers-monde, culpabilité et haine de soi », où il développe le même programme, finalement, conservateur, et sur le mode, justement, d'une fraction vraiment civilisationnelle. Par exemple, il parle de ce qu'il appelle les diatribes de Roménie contre l'Occident. Il dit, mais ça, ces diatribes-là, en fait, ne font que refléter, et je cite, ne font que refléter exactement tout ce que tout homme blanc pense de la société qu'il abrite, à savoir que, dans la perspective des millénaires, l'Occident est le plus grand criminel de l'histoire. C'est-à-dire, il considère que finalement ce que dit Roméni, c'est ce que développent les courants tiers-mondistes depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc il fait vraiment une correspondance comme ça. Et puis, cette pensée qui réfute toute idée de domination de classe ou des pays du Nord sur les pays du Sud va se renverser. Et Bruckner explique, je cite, « Comment ne pas avoir la plus grande méfiance et le plus grand dégoût vis-à-vis de tout mouvement, toute révolte qui proclame son anti-occidentalisme a priori et prend le caractère macabre d'une croisade raciale contre l'homme blanc ?» Quand l'ONU inscrira-t-elle l'anti-occidentalisme et le racisme anti-blanc au rang des crimes contre l'humanité ? Donc là, on voit une racisation aussi. Et ce qui est intéressant, finalement, dans tous ces raisonnements, que ce soit Bernard Lewis ou Pascal Bruckner, c'est vraiment l'essentialisation de l'altérité. Et l'essentialisation de l'altérité, ça veut dire qu'en fait, on va déposséder ceux qu'on qualifie comme autres de toutes leurs caractéristiques d'universalité, toute leur part d'humanité, finalement, pour se l'approprier et considérer que toute cette universalité, toute cette humanité, finalement, nous appartient en propre et nous appartient exclusivement. C'est ce que développe Bernard Lewis dans son texte en 91, c'est ce que développe Pascal Bruckner quand il dit, et je cite, il attaque Frantz Fanon, et il explique, « Il n'y a pas d'au-delà de la démocratie, peuple du tiers-monde, encore un peu plus d'Occident, et vous, pour devenir vous-même. » Donc l'idée, c'est que là, il reprend pour lui le fardeau de l'homme blanc. C'est-à-dire, nous, l'Occident, on a un message à apporter au monde, en l'occurrence, la démocratie, l'individualisme, la liberté, etc. Alors ça, c'est le premier pôle, on va dire, d'offensive conservatrice et d'écroulement des idéologies progressistes à cette période-là. Le deuxième pôle, la deuxième cible, c'est l'État-providence, dont je parlais tout à l'heure. Ou là, je vais très vite parce que vous connaissez ça par cœur, mais c'est ce que j'appelle de l'État social à l'État pénal, et là je reprends des catégories, des réflexions des Bourdieusiens, notamment Pierre Bourdieu qui expliquait, il explique très bien en fait et très simplement comment fonctionne la réforme de l'État ou la reconsidération de l'État-providence à ce moment-là. Il explique que l'État jusqu'à cette période-là avait deux mains, une main gauche, une main droite, et qu'en gros, avec la poussée néolibérale, la main droite de l'État, c'est-à-dire la main financière, économique, celle qui contrôle le budget, va mutiler la main gauche, qui elle était la main sociale qui essaie de défendre l'intérêt collectif, l'intérêt général et les classes populaires. Et qu'il va y avoir cette opération de mutilation qui va faire que on va au lieu d'être dans des schémas de défense de l'intérêt général, on va être dans un schéma d'efficacité économique, avec cette idée que ce sont les riches, ceux qui ont déjà du capital, qui vont être les producteurs de croissance, et que finalement redistribuer les richesses, c'est peine perdue, puisque finalement c'est gâcher de l'argent, au lieu de se concentrer et faire des efforts sur les vrais producteurs de croissance. Alors évidemment, les néolibéraux, d'ailleurs, qui défendent ce projet, sont parfaitement conscients que ça crée des inégalités. Mais pour eux, ce n'est pas un problème dans la mesure où il y a une émulation. OK, il y a des inégalités, mais il y a une émulation qui va faire que tout le monde, au final, va progresser, qu'on va pouvoir avoir une croissance, etc. Donc c'est toute cette réforme qui s'enclenche, on va dire, à la fin des années 70 aux États-Unis, en Angleterre, et puis en France dans les années 80. Mais, et c'est là qu'on passe de l'État social à l'État pénal, et là je m'appuie sur les réflexions de Loïc Vacan, qui dit, bon, la réflexion de Bourdieu, elle est intéressante, mais simplement, le bras droit de l'État, c'est pas uniquement un bras droit financier, c'est aussi un bras droit sécuritaire. C'est-à-dire, non seulement il va y avoir des inégalités, non seulement on va insécuriser les classes populaires, mais pour que ça passe, il va falloir réprimer ces classes populaires pour finalement les faire taire, qu'il n'y ait pas de contestation. Et Vacan va plus loin en disant ce qui se passe, c'est que tout cet appareil pénal, disciplinaire, répressif ne va pas tomber uniquement, va pas tomber uniformément sur les classes populaires, mais plus particulièrement sur les classes populaires les plus insécurisées. Donc ça paraît assez éloigné de l'islamophobie a priori, mais en fait, toutes ces explications sont en fait le contexte de base qui explique à partir de quoi va émerger la question de l'islam, en fait, en général, dans le débat public, français en particulier. Ce qui est intéressant, avec les réflexions de Bourdieu, Vacan, etc., c'est qu'on va avoir exactement ce modèle-là. C'est-à-dire qu'on va avoir une insécurisation croissante des classes ouvrières, etc. Et on est à une époque, au milieu des années 70, où le chômage explose, vous savez. En 1968, il y a 2,7% de chômage. En 1985, 10,2%. Et c'est une période où quelqu'un comme Jacques Chirac peut dire, je cite, « Un pays dans lequel il y a 900 000 chômeurs, mais où il y a 2 millions d'immigrés, n'est pas un pays dans lequel le problème de l'emploi est insoluble. » Donc voilà le type de déclaration qu'on a à l'époque. Donc l'idée, c'est évidemment clairement que les ouvriers immigrés, ce qu'on appelle à l'époque les travailleurs étrangers, sont de trop, qu'il va donc falloir les insécuriser. Donc là, il y a des procédures finalement juridiques, etc., qui vont insécuriser les travailleurs étrangers pour les mettre à l'écart finalement avec le refus de régularisation, le retrait des papiers, les politiques d'aide au retour, etc. Donc effectivement, comme dit Vacan, on va insécuriser cette couche d'une classe populaire elle-même insécurisée. Alors ça passe par les lois Stoléru, la loi Stoléru qui est secrétaire d'État chargé des travailleurs immigrés, qui tente de limiter le regroupement familial et instaure l'aide au retour volontaire des travailleurs étrangers, et la loi Bonnet, 1979, qui facilite le contrôle préventif d'identité et l'expulsion des étrangers non régulables. Voilà l'insécurisation. Donc l'insécurisation sociale, finalement, des classes populaires se double une insécurisation identitaire des immigrés à l'intérieur des classes populaires. En 1981, avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, il y a beaucoup d'espoir dans les classes populaires, et notamment chez les travailleurs étrangers, mais ça va se retourner extrêmement vite. À partir de 1982-83, finalement, la gauche au pouvoir s'adapte et adopte les idéologies plus ou moins occidentalistes et néolibérales, développées notamment aux États-Unis. Et on va voir notamment, sur la question coloniale, cette idée que, bon, il faut faire taire, finalement, toutes les revendications... Il faut fermer la parenthèse de la période coloniale. Et ça passe notamment par la réintégration, une des mesures symboliques, c'est la réintégration des généraux putschistes de l'OAS en 1982 par le gouvernement Mauroy. Et Mauroy déclare à l'Assemblée nationale, le 23 novembre 1982, 20 ans ont passé, songez-y, mesdames et messieurs les députés, un peuple est toujours plus fort lorsqu'il parvient à surmonter ses divisions et à réinsérer les citoyens égarés. Nous ne sommes pas là pour diviser à nouveau, nous sommes là pour réconcilier et rassembler. Donc on se réconcilie et on rassemble avec les anciens militaires de l'OAS. Mais c'est en matière économique et sociale que le retournement est le plus manifeste, donc en 1982-83, avec les grèves ouvrières dans l'industrie automobile, où là, c'est un épisode assez connu, où il y a des grèves chez Talbot, chez Citroën, et on est juste avant des municipales, et le gouvernement Mauroy, un peu dépassé, et puis qui normalement s'est fait élire sur un programme pro classe ouvrière, etc., va complètement retourner le discours en quelques semaines en disant finalement ce ne sont pas des grèves ouvrières, ce sont des grèves qui sont manipulées par, et là c'est Gaston Defer qui est ministre de l'Intérieur à l'époque, qui dit ce sont des grèves saintes d'intégristes, de musulmans, de chiites. Ça, c'est une citation. Donc là, il joue sur les imaginaires qui sont à l'époque très présents de la révolution iranienne, les chiites. On se demande ce qu'ils viennent faire là. Et c'est pas juste une gaffe, quoi. Pierre Mauroy insiste, je cite, il faut bien constater, dit-il, que les problèmes qui persistent dans les usines sont posés par des travailleurs immigrés qui, il faut bien le constater, sont agités par des groupes religieux et politiques qui se déterminent en fonction de critères ayant peu à voir avec les réalités sociales françaises. Donc voilà, ça c'est un exemple absolument typique, extrêmement intéressant, puisque c'est la logique qui va s'imposer ensuite pendant toutes les années 80, qui va être juste un tour de passe-passe sémantique, en collant une autre étiquette des ouvriers qui deviennent immigrés musulmans, on va réussir à justement les mettre en cause, à les criminaliser, à les menacer d'expulsion d'ailleurs au passage. Et c'est exactement cette logique-là de passage d'un État-providence, qui est censé défendre les ouvriers, les droits sociaux, etc., à un État beaucoup plus punitif et beaucoup plus accusatoire à l'égard des couches les plus insécurisées, des couches populaires. Alors, à l'époque, en 1983, il y a dans la presse française, dans les médias français, une forme de résistance. On a une époque où encore un certain nombre de journalistes se considèrent comme des contre-pouvoirs, notamment du côté de la gauche. Et on a quelqu'un comme Jean Daniel, par exemple, qui accuse le gouvernement et qui s'inquiète de, je cite, « cet état d'esprit qui conduit à voir en chaque musulman un complice virtuel de Khomeini ». Et il poursuit « au lieu de paraître exercer son droit à l'autodéfense, le gouvernement a pris le risque de nourrir cet anti-islamisme indistinct, intéressant comme expression, et de moins en moins honteux que l'on voit refleurir, surtout d'ailleurs, hélas, dans les couches populaires en France et en Europe ». Et le patron du Nouvel Obs de s'interroger sur l'attitude de Pierre Mauroy. Ce que nous n'eussions pas supporté d'un leader de l'opposition, faut-il le tolérer d'un socialiste? Là, on voit bien ce retournement. Malheureusement, et je passe au dernier point, les médias à l'ère néolibérale, le problème, c'est que il va y avoir toute une révolution aussi conservatrice dans le secteur des médias, à partir de ces mêmes années. Et les médias vont non seulement être les témoins d'une forme de révolution conservatrice néolibérale, mais vont en être aussi les acteurs. Alors là, je vais faire quelques points rapides sur l'évolution du secteur pour expliquer ensuite comment ça va jouer dans la réémergence finalement de la question de l'islam en France. La première évolution, c'est la désétatisation d'une partie du secteur télévisuel. Ça me paraît très important. Et on est dans la logique libérale, c'est-à-dire on voit apparaître un secteur privé de l'audiovisuel en général, de la télévision, de la radio. Alors, ça vient après un autre mouvement qui est la généralisation de la télévision. Il y avait 13% des ménages qui avaient un téléviseur en 1960 et 84% en 1975. Donc, quasiment toute la France a une télévision, mais cette télévision va être en partie privatisée, avec la création de nouvelles chaînes, Canal Plus en 85 et la 5 en 86, et la privatisation de la première chaîne d'Europe, TF1, en 1987, qui est confiée au groupe Bouygues, comme vous le savez. Alors évidemment, ça va complètement révolutionner le secteur, c'est-à-dire qu'on va être dans des logiques d'hyper-concurrence, c'est ce qu'on a appelé la guerre des chaînes, où effectivement, quand on regarde la télévision des années 80, ils ne prennent pas de gants, c'est vraiment une guerre des chaînes où ils se critiquent entre eux, mais quasiment nommément. Ben oui, sur la chaîne d'à côté, ils font ci. Et donc, on va être vraiment dans cette logique à la fois marchande et concurrentielle, où finalement, ce qui va ressortir de plus en plus, c'est de moins en moins l'intérêt collectif, une fois de plus, mais de plus en plus, une sorte de sensationnalisme racoleur, c'est-à-dire on va brosser le téléspectateur qui est de plus en plus conçu comme un consommateur dans le sens du poil, en réactivant toute une série de clichés qui vont lui faire plaisir. Ça va être des programmes hyper narcissiques, plein de jeux de télévisés, d'argent, etc. Enfin, on rentre dans cette logique-là qui n'existait pas en fait 10 ans auparavant, avec évidemment une grande force donnée à l'émotion. Alors ça va avoir plusieurs corollaires. C'est d'abord que la nouvelle force motrice du champ médiatique, ça ne va plus être la presse papier, c'est-à-dire ceux qui vont donner le rythme à l'agenda, ça ne va plus être la presse papier, mais ça va être la télévision. Deuxième corollaire, ça va être la place de plus en plus importante, mais ça s'applique à toute la période, hein, jusqu'à aujourd'hui. La place de plus en plus importante de l'image, et ça pour nous, pour la question de l'islam, c'est extrêmement important, le rôle de l'image joue un rôle extrêmement important. Troisième corollaire, c'est la personnalisation croissante de l'information. Et quatrième corollaire, c'est l'évolution de la communication politique, c'est-à-dire que les responsables politiques vont eux aussi s'adapter à cette logique avec la multiplication de... Alors c'est les logiques des petites phrases, les conseillers en communication, les sondages, enfin je vais très vite là-dessus, mais ça, le monde politique change aussi en fonction de l'évolution du champ médiatique. La deuxième évolution importante, après la privatisation d'une partie du secteur audiovisuel, c'est l'effondrement de la presse d'opinion, et notamment de la presse d'opinion progressiste. C'est-à-dire que jusque dans les années 70, on est dans un paysage médiatique extrêmement clivé, journaux de gauche, journaux de droite, c'est assez clair. À partir des années 80, il y a une sorte de recentrage qui est lié aussi à cette marchandisation. On va voir finalement des médias, et notamment des médias écrits, de plus en plus consensuels, de plus en plus proches dans les thèmes qu'ils développent et dans la façon dont ils développent ces thèmes. L'exemple le plus flagrant, c'est évidemment Libération, le journal de Libération, créé au début des années 70 pour, je cite, donner la parole au peuple, et qui après, à partir de 1980, introduit la publicité. Donc là encore, on rentre petit à petit dans des logiques marchandes, et qui aujourd'hui a pour actionnaire majoritaire Edmond Rothschild, et qui s'est totalement normalisé d'une certaine façon. Alors évidemment, ça s'est développé finalement avec le temps, avec carrément des journaux gratuits qui ne dépendent eux que de... Ils doivent capter le plus grand lectorat possible parce qu'ils vivent uniquement de la publicité. Troisième évolution qui est intéressante, à mon avis, quand même à signaler pour notre sujet, c'est l'écartement des statuts et des salaires à l'intérieur des entreprises médiatiques. C'est-à-dire que jusque dans les années 70, il n'y a pas un écart énorme, finalement, de salaire. Enfin, il n'y a pas des écarts fous de salaire entre les chefs des rédactions, par exemple, et les journalistes de base. Là encore, c'est lié à la logique libérale. On fait monter les salaires ce qu'on appelle les journalistes vedettes, qui vont, Pujadas, ils gagnent 12 000 euros par mois, PPDA, ils gagnaient 20 000 euros par mois. Enfin, ça a quand même explosé. Ça, c'est lié à la guerre des chaînes. Et en bas des hiérarchies médiatiques, comme dans tous les secteurs, une précarisation des petits journalistes, c'est-à-dire qu'ils vont être de plus en plus des pigistes à l'extérieur, avec des statuts de moins en moins stables, etc. Ça va avoir des conséquences aussi dans la façon de traiter l'information, c'est-à-dire une re-hiérarchisation des entreprises médiatiques, où finalement les chefferies, on va dire tout en haut, vont pouvoir imposer ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont hyper puissants par rapport à des journalistes de base qui sont hyper fragilisés. Donc ça, c'est une troisième évolution. Et après, il y a toute une série d'évolutions techniques, évidemment. Alors, j'ai parlé de la question des images, le poids de plus en plus grand des images, mais aussi des sondages. On va voir aussi se développer l'expertise dans les médias. On va de plus en plus, les journalistes, les rédactions vont convoquer des experts pour avoir un discours neutre, d'aspect académique, pour pouvoir analyser toute une série de sujets, que ce soit l'économie, l'immigration, etc. Autre aspect technique, c'est la démultiplication des chaînes par la suite. l'accélération de la circulation de l'information, qui s'accompagne d'une duplication croissante dans le temps et dans l'espace des mêmes images et des mêmes informations. Ça, c'est tous ces aspects techniques, là, la circulation de plus en plus rapide, etc., ça ne va pas créer une meilleure information, mais ça va créer des effets de réel de plus en plus puissants. C'est-à-dire que ce qu'on va voir avec tous ces sondages, ces images, ces experts, ces trucs, et cette réfraction des images d'un média à l'autre, etc., on va croire ce qu'on voit. C'est-à-dire des effets de réel, c'est des effets de croyance. Et puis des effets de démocratie, des apparences de démocratie avec des publics sur les plateaux, des sondages qui confirment ce que disent les journalistes, etc. Et donc, il y a une affaire qui est typique de ça, c'est l'affaire de la fausse agression dans le RERD en 2004, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, où finalement, puisque les images sont réfractées, l'histoire est allée partout, finalement tout le monde y a cru, quoi. Ça avait l'air vrai, puis en plus comme ça avait été répété partout, que des hommes politiques avaient validé l'information, etc., finalement, tout le monde y a cru. Et ça c'est intéressant, quand la fameuse fausse agressée s'est vue interrogée par le magistrat qui lui demandait « Mais pourquoi vous vous êtes inventé des agresseurs noirs, arabes et antisémites ?» Elle a répondu « Parce que quand je regarde la télévision, ce sont toujours eux qui sont accusés. » Donc c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment des effets de réel et puis une emprise de plus en plus forte, finalement, des médias sur les imaginaires. Donc évidemment, tout ce cadre relativise nettement les discours un peu autopromotionnels des journalistes. Je ne sais pas si vous écoutez souvent des journalistes parler de leur métier. Souvent, ils vous disent « nous ne visons pas l'objectivité, nous visons l'honnêteté, etc. » Il y a tout un discours sur l'honnêteté. Alors évidemment, c'est peut-être individuellement des gens très honnêtes, mais ils sont dans un cadre extrêmement contraignant qui font que l'honnêteté... C'est un concept extrêmement relatif. Et si on parle de racisme, la plupart des racistes sont honnêtes. Ils sont honnêtement racistes ou ils croient honnêtement ne pas être racistes. Donc ça ne veut absolument rien dire, finalement, l'honnêteté. En gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les journalistes font des choix contraints, mais c'est pas une représentation. Enfin, il y a encore beaucoup de gens qui pensent que les médias sont une représentation de la réalité, un reflet de la réalité. Il faut bien voir que les médias, les journalistes, sont des constructeurs de réalité, ils sont des metteurs en scène, ils choisissent des mots, des angles, des représentants. C'est ce que moi j'avais étudié avec les représentants de l'islam. C'est-à-dire, c'est les journalistes qui vont aller demander à tel représentant de venir sur leur plateau pour. Ils vont faire un choix là-dedans. Choix qui va être lié à l'audimat, à l'idée qu'ils se font de la représentativité de cette personne, etc. Donc c'est bien des metteurs en scène, il n'y a pas de réalité, il n'y a que des représentations de la réalité. J'insiste là-dessus parce que je... Alors attendez, je vais vous montrer quand même, puisque je passe à ma deuxième partie. Ça, c'est quelques images de 79 où on voit cette fracture Orient-Occident apparaître, Islam, l'Amérique assiégée. Là, on a Carter, l'Occident devant la grande fièvre de l'islam. Donc là, on voit la résurgence d'une série d'imaginaires sur les fièvres de l'islam. C'est des trucs très anciens. Et puis, dans les années 80, alors voilà, la démocratie, le concept de démocratie, la démocratie en otage. Et puis, ces imaginaires guerriers, là, les nouveaux conquérants de l'islam. Alors ça, c'est en termes de politique étrangère. On est dans la première moitié des années 80. L'islam est quand même très associé à la politique étrangère. Notamment au Moyen-Orient. Bon, j'ai pas beaucoup d'images cette période, mais j'en aurai plus tout à l'heure. Donc je passe à la deuxième partie, ce que j'appelle l'islam dans la machine médiatique. Je sais pas du tout quelle heure il est, mais bon. Aïe. Donc, je vous ai décrit un peu l'ambiance idéologique des années 70, début des années 80, l'influence que cette ambiance a eue sur le fonctionnement des médias. Donc je rentre maintenant au moment finalement où renaît, on va dire, où la question de l'islam dans les médias et dans le débat public français. On l'a vu apparaître petit à petit dans cette phase, dans ce passage où j'ai parlé des ouvriers invisibles aux musulmans nuisibles, mais ça c'est vraiment les prémices. Dans les années 80, ça devient plus systématique, on va voir de plus en plus apparaître des unes de magazines sur l'islam, des émissions sur l'islam en France, des émissions entièrement consacrées à l'islam en France, alors que jusqu'à présent, la question de l'islam apparaissait à l'intérieur d'un reportage sur les travailleurs étrangers ou sur les immigrés. Là, ça va devenir un vrai sujet en soi, à partir du milieu des années 80. Alors, je pars... comme je vous ai dit, les médias sont des représentants, ils créent, produisent des représentations de la réalité. Du coup, la réalité, c'est un concept un petit peu compliqué. Et quand on étudie les discours médiatiques, il est intéressant quand même de prendre la distance par rapport à ce qu'on appelle la réalité. Moi, je prends tellement de distance que j'affirme, autoritairement, que l'islam n'existe pas. Voilà. Bonne nouvelle. Je dis ça parce que, en fait, bon, c'est à force de regarder des journaux télévisés, des émissions, etc., je me suis aperçu qu'il était dit à peu près tout et n'importe quoi sur l'islam, que ce soit par des musulmans, par des gens qui se considèrent comme musulmans, comme par des non-musulmans. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, moi, je ne sais pas très bien ce que c'est l'islam, et au bout du compte, je pense, je me demande même si ça existe en dehors de ce qu'en disent les gens ou de ce qu'en pensent les gens. Je pense qu'il faut partir finalement de là si on veut étudier sereinement la question des représentations. Donc moi, je considère que l'islam n'existe pas en soi, il n'existe que par l'intermédiaire des représentations qu'on en donne ou qu'on s'en donne. Et donc la question, c'est pas tellement de savoir ce que c'est l'islam, on va avoir du mal à se mettre d'accord, je pense. La question, c'est savoir qui est le « on » qui se donne ces représentations ou qui donne ces représentations. La question, en fait, elle est là. C'est pour ça que j'insistais sur la façon dont fonctionnent les médias, etc. C'est la question qui compte, c'est qui, pourquoi, comment on donne ces représentations de l'islam. Le corollaire de cette proposition « l'islam n'existait pas », qui est, à mon avis, presque encore plus importante, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais islam en soi. C'est-à-dire, et ça, c'est, à mon avis, extrêmement important si on réfléchit sur l'islamophobie, parce que la plupart des gens qui luttent contre l'islamophobie aujourd'hui partent du présupposé qu'il y a un bon islam. Il y a un bon islam, les médias donnent une mauvaise image de l'islam, c'est ça qu'on entend très souvent, et du coup, voilà, en gros, ce discours-là, à mon avis, pose problème, parce qu'il suffirait dans ce cas-là de dire aux journalistes, écoutez, vous vous trompez, je vais vous montrer ce que c'est le vrai islam, voilà, le vrai islam, c'est ça, et donc, vous faites erreur, corrigez votre erreur. Or, en fait, ça se passe pas du tout comme ça, puisque les médias... en général, ne sont pas que des observateurs, justement. Ils sont aussi des créateurs de représentations, et y compris des représentations des musulmans eux-mêmes. Donc, je pense qu'il faut s'émanciper de l'idée qu'il y a un bon et un mauvais islam. Il y a plein de gens pour qui Ben Laden, c'est un très bon musulman, par exemple. Donc, il faut vraiment pas... à la fois bon au sens de valeur morale, il est bien, c'est bien, ou de valeur d'orthodoxie religieuse. Par exemple, voilà, le bon islam, ça, c'est l'islam. Et ça, encore, c'est faux. Il y a énormément de représentations et de... différentes et contradictoires, qu'on soit musulman ou pas. Ça me paraît très important. Et je m'appuie sur une citation de Foucault, Michel Foucault, qui, lui, c'était pas sur l'islam, mais il parlait de la question du discours, des discours publics, où il disait, il faut bien voir qu'il y a deux choses différentes. Le discours public, il y a les discours reflets et les discours bataille. Et je vais le citer. « Ce qui fait la différence... et caractérise la bataille des discours, c'est la position qui est occupée par chacun des adversaires. Ce qui lui permet d'utiliser avec des effets de domination un discours reçu par tous et retransmis de toutes parts. C'est d'abord parce que le discours est une arme de pouvoir, de contrôle, d'assujettissement, de qualification et de disqualification qu'il est l'enjeu d'une lutte fondamentale. » Et à mon avis, c'est vraiment là-dedans qu'il faut qu'on se mette, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des discours reflets, on est vraiment dans des discours bataille où il y a... Il parle d'adversaires, en tout cas, des tensions, des antagonismes sur les représentations qu'on va donner d'un objet. Et c'est exactement cette bataille qui s'engage au début des années 80, où, justement, cette question de l'islam revient progressivement dans les discours publics. Or, en fait, de bataille, le rapport de force est tellement inégal que c'est un champ de bataille sans adversaire. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une bataille sans adversaire, pour différentes raisons. La première, c'est que si on en reste à la question religieuse et de l'organisation religieuse, on va dire, il y a un double problème pour l'islam, et en particulier pour l'islam en France, pour l'islam transplanté, c'est qu'il n'y a pas de clergé. Donc il n'y a pas d'institution normative qui va pouvoir dire voilà justement ce que c'est l'islam orthodoxe ou le bon islam. Comme il peut y avoir pour la religion catholique, ou qu'on soit d'accord ou pas avec le clergé, c'est quand même le clergé qui s'auto-définit, qui auto-définit la religion catholique, qui va dire voilà ce qu'est un catholique, et voilà ce que c'est qu'un intégriste, par exemple. Avec l'islam, et en particulier l'islam transplanté, qui dit ça? Et en l'occurrence, qui dit ça, c'est plutôt le regard extérieur, et en particulier les médias, qui vont dire lui, c'est un intégriste, elle, c'est pas un intégriste. Donc on va... Là, il y a vraiment une différence extrêmement forte, et c'est extrêmement fort en France en particulier, où la religion est regardée souvent à travers le prisme catholique. Et quand on discute avec des journalistes, la plupart du temps, ils disent « Oui, ils partent du présupposé qu'ils doivent trouver le représentant de l'islam. Ça, c'est sûr qu'ils vont le trouver. Ils sont persuadés qu'ils vont le trouver. Alors qu'en fait... Et donc, quand ils croient l'avoir trouvé, en fait, ils l'inventent, mais sans même s'en rendre compte. Donc ça, c'est sur toutes mes recherches sur quelle représentation sans représentant, c'est clair. Et pendant très longtemps, en tout cas pendant les années 80, c'est le recteur de la mosquée de Paris qui va être l'archevêque ou le pape de l'islam en France. Mais il va être considéré comme ça. Alors, M. Boubacar, c'est le père de l'actuel, et il va être invité sur les plateaux de télévision pour dire, voilà, en fait, qu'est-ce que dit l'islam? Voilà, Khomeini a dit ça, que dit l'islam? Et donc, le recteur de la mosquée de Paris va dire, voilà, en islam, le bon islam, c'est ci, ça, ça, ça. Donc, il va donner l'apparence, finalement, d'une autorité normative, etc. Donc, pour les médias, c'est assez perturbant. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup d'adversaires sur le champ de bataille. Finalement, les médias peuvent trouver n'importe quel représentant, il suffit qu'ils aillent. Et c'est ce qu'ils font, d'ailleurs, dans les années 80. Ils vont à Sarcelles, ils trouvent un musulman qui a l'air d'être représentatif. Et alors, l'islam à Sarcelles, ça se passe comment? C'est ça qui se passe. Hein. La deuxième raison de ce champ de bataille sans adversaire, c'est l'impuissance des supposés musulmans. C'est justement la fracturation, je vais vite, mais de tout le paysage qu'on appelle maintenant le paysage islamique français. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'associations, toute une série de nationalités, toute une série des rites différents. Du coup, il n'y a pas de coalition. En tout cas, dans les années 80, ils n'arrivent pas à se coaliser pour dire, bon, on va se mettre d'accord tous ensemble et on va vous dire, nous, justement, jouer une sorte de clergé artificiel. Il y a, en plus, troisième raison de cette bataille sans adversaire, ce que Foucault appelle les effets de domination. C'est-à-dire que quand le journaliste va à Sarcelles avec son micro, sa caméra, son preneur de son, son truc, son machin, il domine complètement la personne qui l'interviewe. Et finalement, il lui impose son agenda. Alors, vous qui êtes musulman, dites-nous un peu ce que vous pensez de Saddam Hussein ou de... Et la personne interviewée va finalement être pris au piège, en tout cas pris au jeu du média, et va se comporter finalement comme on lui demande de se comporter. C'est ce que disait Patrick Champagne en parlant plus généralement des dominés dans leur attitude face aux médias. Les dominés sont parlés plus qu'ils ne parlent, et lorsqu'ils parlent aux dominants, ils tendent à avoir un discours d'emprunt, celui que les dominants tiennent à leur propos. Et ça, c'est vraiment, on le voit pendant toutes les années 80, en fait, finalement, les musulmans sont interrogés, mais ce qu'ils disent ne fait que amplifier ce que les journalistes ont prédit. Et quatrième raison, qui est la plus importante à mon avis à cette période-là, c'est que les musulmans eux-mêmes, les supposés musulmans eux-mêmes, ne sont pas trop sûrs de leur propre identité musulmane. Donc du coup, là ça va poser un énorme problème, c'est-à-dire qu'on va dire à des gens « vous êtes musulmans », mais ils se sont pas forcément posé la question. Il y avait dans le journal Le Monde en 83 une petite enquête là-dessus. Enfin, et il y avait une interviewée qui disait... Il y avait deux interviewées. La première, elle disait « Je ne connais l'islam qu'à travers les médias français. » Donc c'était une femme supposée musulmane, mais elle disait ça. « Je ne connais l'islam qu'à travers les médias français. Mes parents n'ont pas pu m'expliquer en quoi consiste la culture musulmane. » La seconde interviewée disait « La vérité, c'est que nous n'appartenons ni à l'islam ni à l'Occident. Suis-je musulmane ? Suis-je occidental? Non, je ne connais pas la culture de mes ancêtres. J'aimerais bien savoir ce qu'est le soufisme, mais qui me l'expliquera ?» Donc on voit là une sorte de désorientation des supposés musulmans en France qui ne savent plus très bien ce qu'ils sont. Et c'est finalement là encore les médias qui vont leur imposer ça. Je passe au point suivant, l'assignation à l'identité musulmane. Alors, en fait, il va y avoir une forme de plaquage. C'est ça, comme on est sur un champ de bataille sans adversaire, finalement, les médias vont plaquer leurs imaginaires sur les réalités. Et ça, ça va être extrêmement net. Je vais passer directement à... Alors, attendez. Voilà, ça, c'est typiquement l'islam imaginaire. Là, c'est une couverture du Nouvel Observateur en 86. C'est quelque chose que, sans doute, vous n'avez jamais... Enfin, cette réalité-là, je ne pense pas que vous l'ayez déjà vue, mais eux, ils font une là-dessus. C'est-à-dire qu'ils plaquent leurs imaginaires sur... des réalités, et ils mettent l'islam en France. Ça, c'est l'islam en France. Alors, ces imaginaires, je vais très vite, c'est empreinte à toute une série de ce que j'appelle de banques de données, qui sont historiques, en fait, c'est-à-dire des imaginaires sédimentés qui sont, tout le temps des croisades, tout ce discours hyper essentialiste où on dit que l'islam depuis le prophète jusqu'à aujourd'hui, finalement, il y a une continuité, donc une atemporalité, une aterritorialité, l'islam est partout pareil, etc. Enfin, vraiment cette idée orientaliste de l'Orient, le monde musulman comme un bloc. Ça, c'est la première chose. Donc ce temps des croisades, tout ça. Bon. Deuxième banque de données d'imaginaire, c'est la conquête coloniale, la fin du 19e, et toute l'idéologie républicaine, selon laquelle les musulmans sont les ennemis, ou en tout cas, l'islam est incompatible avec le progrès, la démocratie, etc. Et la troisième banque de données, à mon avis, c'est la décolonisation de l'Algérie, qui là est très forte, avec des imaginaires de guerre extrêmement forts, qui vont être plaqués, là encore, sur la réalité des années 80, avec toute une série d'imaginaires, de stéréotypes qui vont être plaqués sur les réalités. Alors, je reviens quand même sur cette question de qu'est-ce que c'est l'islam, finalement, et qu'est-ce que c'est qu'être musulman. À mon avis, il y a deux ou trois définitions de ce que c'est qu'être musulman. La première, c'est de considérer que l'identité musulmane est d'abord une identité intérieure, c'est vraiment l'islam comme choix, l'islam comme foi, et donc avec une forme d'invisibilité, ce qui pose problème pour les médias, notamment avec la force de l'image, l'appui sur l'image. La deuxième définition, c'est la définition collective, on est musulman par appartenance. Alors soit que ce soit une appartenance parce qu'on fait partie d'un groupe, soit parce qu'on est assigné à cette appartenance, on dit voilà, vous, cher monsieur, vous êtes musulman. Alors évidemment, c'est un peu artificiel de découper les choses comme ça, puisque on peut très bien être, on va dire, un musulman sociologique et faire le choix de vivre l'islam comme foi, comme choix, etc. Et là où c'est intéressant de bien faire cette distinction, c'est que justement, les médias, dans l'ensemble, ne font pas cette distinction. Ils assignent une série de gens à l'identité musulmane d'autorité, autoritairement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 80, les seuls qui vont être considérés comme des musulmans par choix, c'est-à-dire la première définition par choix et l'islam comme foi, ça va être les convertis. Les convertis, eux, c'est les seuls qui ont fait un choix. Donc, eux, ils vont être mis à part. Et c'est par exemple Maurice Béjart, le chorégraphe, qui est interviewé par Daniel Bilalian en 79. Et Daniel Bilalian lui dit, Maurice Béjart, est-ce vrai que vous êtes converti à l'islam récemment? Et lui répond, oui, c'est un choix personnel, je ne veux pas en parler. Et Daniel Bilalian enchaîne en disant, bon, alors, votre nouvelle pièce, votre truc. Alors que ça, c'est même pas une question qui va être posée à quelqu'un, à un arabe, quoi. Ouais. Bon, vous qui êtes musulman, voilà. Donc, il ne va pas du tout y avoir cette idée qu'on peut être musulman sociologique, mais aussi un musulman croyant, quoi. Ça, c'est... Et on le voit très nettement dans la question des chiffres et des statistiques. On entend tout le temps, depuis 40 ans, les musulmans, l'islam est la deuxième religion de France, il y a 4 millions, 5 millions de musulmans en France, ou 10 millions, comme dirait l'autre. C'est ça. Là, c'est vraiment un plaquage statistique et quantitatif. Alors... Et puis une enquête de l'INED qui remet en cause ce chiffre. Oui, alors après, il y a des discours euphémisants, où c'est exactement l'interview de Guéant hier dans Le Monde. D'ailleurs, il a dit qu'il y avait entre 5 et 10 millions de musulmans en France, ce qui est les chiffres de l'extrême droite. Et là, comme il a été un peu indexé là-dessus, un peu pointé du doigt, il dit non, il y a 4 millions de musulmans, dont je ne sais combien de pratiquants, mais c'est que quand on lui demande de revenir dessus qu'il va se mettre à remettre en cause ce chiffre. Mais intuitivement, les médias, les responsables politiques vont plaquer cette idée qu'il y a 5 millions de musulmans en France. Ce qui est extrêmement problématique, à mon avis, et ce qui dit beaucoup de choses. Alors, la question qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir finalement, de comprendre la fonction de cette remontée en puissance, cette montée en puissance de la question de l'islam dans l'espace public, dans le discours public, ce que j'appelle, moi, l'islamisation des regards. C'est-à-dire que la réalité, elle change finalement peu, mais le regard change sur cette réalité, et on va islamiser la réalité. On appelle l'islamisation des regards. Sa fonction, c'est de ce que j'appelle réencoder la race, pour faire perdurer le racisme. Je pense qu'il faut faire un lien assez fort entre ce qu'on appelle l'islamophobie, évidemment, la question de la race, la question du racisme. Il se trouve qu'au début des années 80, la question immigrée est très souvent traitée à travers la question du racisme. Les immigrés sont les victimes du racisme, etc. Et ils vont se donner, les médias de masse vont se donner pour mission de lutter contre le racisme des Français, le racisme ordinaire, d'éduquer les Français à plus de tolérance, etc. Et ils vont être aidés en ça par une association SOS Racisme, que vous connaissez bien, qui naît en 85, je crois, 84-85, et qui va devenir un peu la parole légitime pour parler du racisme dans les années 80. Alors le problème de cet antiracisme-là, c'est qu'il s'attaque principalement au racisme individuel, parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de crimes racistes, enfin en tout cas, on parle beaucoup des crimes racistes individuels, et que ce racisme, cet antiracisme médiatique et politique se manifeste avant tout comme un précepte moral. On dit « c'est mal de voter Front National ». On ne cesse de dire aux gens « c'est mal de voter Front National ». Alors, et il a aussi un aspect festif. Alors on va écouter des concerts, on va mettre un petit badge. C'est ça l'antiracisme du début des années 80. En d'autres termes, il s'attaque sur un plan moral aux conséquences individuelles du racisme sans s'attaquer aux causes structurelles. Et ça, à mon avis, c'est quand même assez important. Ça fait croire aux journalistes et à une bonne partie de leur public que le racisme est une affaire de bonne volonté individuelle et non pas un problème politique et collectif. Et d'autre part, et c'est ça encore plus important, ce qui est encore plus important, c'est que ça laisse croire qu'il y a que la France peut se séparer en deux camps, les racistes et les antiracistes. On voit Harlem Désir dire ça sur les plateaux de télévision. Sur les plateaux de télévision, il va dire voilà, en France, il y a les racistes et les antiracistes. Ce qui laisse penser qu'il y a toute une partie de la société française qui est immunisée contre le racisme. Elle n'est pas raciste. Elle n'est plus raciste, elle n'est pas raciste. Alors évidemment, ça va avoir un petit problème, et c'est le problème qui va se poser au milieu des années 80, c'est qu'une fois qu'on aura nettoyé le discours raciste de tout ce qui a l'air d'être raciste, tout ce qui est perceptible comme raciste, eh ben le racisme va pouvoir perdurer sous d'autres formes. Et c'est exactement, à mon avis, une des fonctions principales de la question de l'islam, que moi j'appelle l'islam imaginaire, c'est de faire perdurer le racisme en réencodant la race. Et donc c'est pas un hasard si on a 5 millions de musulmans en France. C'est qu'en fait, c'est pas un critère religieux, c'est un critère racial. Donc on efface, en gros, en d'autres termes, on efface la question de race pour faire perdurer le racisme, parce que si on continuait à parler de race, des Arabes, etc., ce serait trop visible, on verrait trop, finalement, qu'il y a le caractère raciste de ce discours. Et donc, toutes les années 80 vont être une période de réencodage de la race, à travers toute une série de concepts, hein, utilisés systématiquement dans les médias, que ce soit l'intégration, la laïcité, etc., etc., qui sont en fait, en tout cas, qui sont utilisés comme simplement un réencodage, quoi, du caractère racial. Évidemment, il y a un chercheur qui s'appelle Théo Goldberg qui explique que, parce que c'est un phénomène mondial, ce réencodage de la race a fait naître ce qu'il appelle le born-again racism. Un néo-racisme qui, du coup, peut être beaucoup plus virulent et pervers puisqu'il se cache derrière un discours humanitaire ou humaniste de laïcité, d'antiracisme, etc. Alors évidemment, ce réencodage extrêmement puissant, puisqu'il permet à la fois de la dénégation. Ah non, non, moi je ne m'attaque pas aux Arabes, moi ce qui m'intéresse c'est la laïcité, etc., etc. Mais ça n'empêche pas de continuer à véhiculer tout un discours, finalement, de type raciste et de parler de la même chose, juste simplement différemment. Donc une fonction de dénégation. Ça a une autre fonction qui est assez puissante, c'est que ça va embringuer pas mal de gens qui n'ont pas réfléchi sur ces sujets, ils vont dire ah oui, laïcité, oui, c'est bien ça la laïcité. Qui vont se mettre eux aussi à parler de laïcité, de république, de plein de choses, qui vont pas voir qu'en fait tous ces codes, en fait que c'est des nouveaux codes qui sont que l'intégration est en fait un nouveau code qui est directement une réminiscence de la période coloniale, mais ils vont pas se rendre compte quand ils parlent d'intégration, en fait ils ont en partie un discours raciste. La troisième force de ce réencodage racial, c'est que ça crée des consensus, comme on est sur des concepts consensuel, quoi, la laïcité. Qui est contre la laïcité? Ou qui est pour le racisme? Personne. Donc évidemment, que droite, gauche, TF1, Antenne 2, Nouvelle Obs, ou je sais pas qui, tout le monde va être d'accord pour dire que la laïcité, c'est bien. Surtout en France, voilà, il va y avoir très peu de contre-discours. Et quatrième effet, c'est que tout ce discours encodé, ce discours raciste encodé, va avoir des réactions chez les gens qui sont ciblés. Qui vont du coup se crisper, qui eux vont bien comprendre quoi, que quand on leur parle de laïcité, etc., c'est finalement eux qu'on vise, mais ils vont pas réussir à trouver d'alliés pour dire, ils vont trouver en tout cas très peu d'alliés pour les défendre, et en plus, il va y avoir cette crispation où un certain nombre de gens parmi ces cibles vont dire, écoutez-moi, la laïcité, Et ils vont finalement sortir du consensus. Donc, ça, c'est tout ce... Tout cette, c'est pas une stratégie d'encodage, mais c'est un phénomène d'encodage de la race va avoir énormément d'effets pervers. Et la perversité de tout ce discours va se voir typiquement dans les années 80, c'est typique, tous les reportages, que ce soit à la presse écrite ou à la télévision, sur les femmes musulmanes. Alors les femmes musulmanes, voilà, on va humanitairement aider les femmes musulmanes qui sont victimes du patriarcat, de l'islam, etc. On voit tout ce genre de discours, qui est en fait très ancien. Frantz Fanon, ce texte s'appelle « L'Algérie se dévoile », explique très bien comment ça fonctionne. C'est-à-dire, il dit « le voile est un double symbole », parce qu'on va beaucoup parler du voile à ce moment-là, évidemment. Le voile est un double symbole, c'est à la fois, il symbolise pour les Occidentaux la femme musulmane, mais il symbolise aussi la société musulmane. Donc sous prétexte de défendre la femme musulmane, on va en fait attaquer la société musulmane, femme et homme, les musulmans en général. Ça c'est évidemment extrêmement pervers, parce que c'est dur à décoder. Ceux qui vont produire ce genre de discours vont dire « ah non, moi c'est juste pour les femmes musulmanes ». Mais même parfois sans s'en rendre compte. Mais en fait, il y a toute une série... plein de stéréotypes, de discours hyper accusatoires contre les sociétés musulmanes, ce qu'on imagine à des sociétés musulmanes. Quelque chose d'encore plus pervers, c'est tout le discours sur le métissage qui est lié à cette question des femmes musulmanes. Et on va voir dans les années 80 beaucoup de reportages sur le métissage, les mariages mixtes, etc., etc. Là encore, a priori, ça paraît qui est contre le métissage. Simplement, en fait, quand on décortique les reportages, on voit que ce métissage, il se fait toujours de façon inégalitaire. Combien ? Aïe, aïe, aïe. Donc je ne pourrais pas finir. Bon, il se fait toujours de manière inégalitaire, c'est-à-dire que c'est toujours le non-musulman du couple qui, lui, il n'a rien à changer. Par contre, le musulman ou la musulmane, elle doit finalement n'être musulman que de façon exotique. Donc on va voir, et là, on voit la perversité de ce discours se développer encore aujourd'hui avec des thèmes comme la diversité, le vivre ensemble, etc. Qui est contre la diversité de vivre ensemble, mais en fait, derrière, ça cible toujours les mêmes gens. Donc voilà, je ne sais pas du tout comment je vais faire en 5 minutes pour parler de la suite. Tu seras dans la discussion. Tu seras dans la discussion, très bien. Alors, je veux quand même profiter de mes 5 minutes, si ça vous en dit pas, pour vous parler de la renaissance de l'islamophobie. Donc voilà, en gros, c'est dans ces années 80, à mon avis, et ce n'est pas en 2001, c'est dans les années 80 que naît véritablement cette question d'islamophobie. Là, je ne vais pas développer, mais il y a quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est qu'il y a deux, et c'est lié à ce que je viens de dire, c'est qu'il y a deux formes d'expression de l'islamophobie. Il y a, on va dire, une islamophobie passive, c'est-à-dire les gens qui finalement, et la plupart des journalistes, notamment les journalistes de base, tous les précaires là dont je parlais, qui finalement, eux, ils n'ont pas vraiment forcément d'idées, ils ne sont pas des activistes de l'islamophobie, quand on discute avec eux, ils sont plutôt de bonne volonté, etc. Mais simplement, ils subissent et ils répercutent. Une islamophobie beaucoup plus active. Donc la deuxième forme d'expression de l'islamophobie, c'est une islamophobie active. Et là où c'est important, à mon avis, de bien distinguer ces deux choses, d'un côté une islamophobie un peu inconsciente, et de l'autre côté une islamophobie assez consciente, c'est qu'en réalité, le plus grave problème, à mon avis, c'est pas l'islamophobie active, militante, par exemple celle de l'extrême droite ou un nombre de gens, mais c'est plutôt tout ce terreau qui vient aussi de tous ces imaginaires sédimentés des périodes précédentes, sur lequel finalement les islamophobes actifs, ceux qui sont conscients d'être islamophobes et qui jouent sur l'instrument islam, vont finalement, ils ont qu'à appuyer sur ce terreau, ils ont qu'à fertiliser ce terreau pour que l'islamophobie s'enflamme. Donc en fait, le plus gros problème à traiter, à mon avis, c'est plutôt cette islamophobie passive que l'islamophobie active, qui effectivement est beaucoup plus virulente dans ses formes, mais beaucoup moins profonde, quoi. Et c'est ce qui se passe, en fait, dans les années 80. Il n'y a pas tellement d'islamophobes actifs, quoi. Le Pen joue un peu là-dessus, mais très peu, au bout du compte. Et c'est vraiment cette islamophobie un peu diffuse, généralisée, qu'on voit se développer. Et là, j'aurais aimé développer cette question, cette notion d'islamophobie institutionnelle qu'on voit apparaître de temps en temps maintenant dans la littérature. Mais je vous lis quand même... Vous savez, l'islamophobie... Le racisme institutionnel a été développé par Stokely Carmichael et Jeff Hamilton en 1967, et ils expliquent qu'il y a deux types de racisme, le racisme direct et le racisme indirect. Le racisme direct, c'est les gens qui commettent des actes racistes de type individuel. Par exemple, ils vont lyncher un noir aux États-Unis. Et il y a le racisme indirect, qui est justement ce racisme un peu de bonne conscience. Ah ben non, moi j'irai jamais lyncher un noir. Et par contre, ils le feront pas, effectivement. Mais par contre, tous les discours racistes et tout ce qui permet de justifier ou qui pousse les gens à des actes racistes, ils vont l'accepter complètement. Ils vont accepter finalement tous ces discours. Et à mon avis, c'est exactement ce qui se passe entre la fin des années 70 et la fin des années 80. C'est-à-dire qu'à la fin des années 70, on parle beaucoup du racisme, mais on s'attaque à justement ce qu'on appelle tous ces anciens soldats de la guerre d'Algérie qui tirent sur les Arabes du haut des HLM. Il y a plein d'histoires comme ça, des crimes racistes, quoi. Et là, la télévision, les médias, ils vont dénoncer ça avec virulence. Mais 10 ans plus tard, le racisme aura été... En fait, a disparu de l'agenda médiatique. On parle plus de racisme. C'est plus un problème, apparemment, en France. Mais par contre, on parle énormément de l'islam. Et c'est ça. Et c'est l'islam et les gens des banlieues, etc., qui sont le problème. Et on est passé, finalement, de cette lutte contre le racisme individuel à une islamophobie. Ce que moi, je pense être une islamophobie institutionnelle. C'est-à-dire que, effectivement, personne ne va attaquer un arabe physiquement. Mais par contre, tous les discours qui justifieraient qu'on attaque les Arabes, ça va passer sans problème. Et c'est ce qui se passe, et l'exemple typique, c'est la première, ce qu'on appelle la première affaire des foulards, qui est d'ailleurs à l'époque labellisée affaire des tchadors. On voit bien là le plaquage de l'imaginaire iranien sur les réalités françaises qui n'ont absolument rien à voir. Où là, on va voir effectivement quasiment tous les médias, droite-gauche confondus, tous les responsables politiques, s'acharner sur 3 filles voilées du collège Gabriel Havès de Creil. Et c'est... Alors là, bon, j'ai fait tout un chapitre là-dessus, je l'ai mis sur le net, si vous voulez tous les détails, mais là, on voit un déchaînement, un vrai lynchage, finalement, un lynchage collectif contre ces foulards, ces voiles, et qui sont censés être le problème qu'il y a en France actuellement. Et cette affaire se termine donc fin 1989, après 3 mois de polémique acharnée, avec des élections municipales où le FN fait des scores jamais vus, un conseil constitutionnel qui dit « Ben non, là, vous avez rêvé, la laïcité, c'est pas ça ». Le Conseil constitutionnel dit la laïcité, c'est la neutralité du service public, c'est pas la neutralité des usagers du service public. Donc, ce qu'est effectivement la laïcité. Et ça se termine par des déclarations de Michel Rocard, qui se gargarise d'avoir expulsé des dizaines de milliers de sans-papiers, et qui explique qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et une déclaration de François Mitterrand, qui explique que, effectivement, il ne dit pas que le Front National avait raison, mais en fait, il dit la même chose que le Front National. Le seuil de tolérance, qu'on appelle le seuil de tolérance des Français à l'égard des immigrés, est dépassé depuis la fin des années 70. Donc, en gros, depuis la fin des années 70, les immigrés sont en trop. Tous ceux qui sont arrivés, ils sont en trop. C'est, à mon avis, ce qu'on peut appeler une forme de... Alors, quelques images, là, vite fait. Ça, c'est l'affiche... Je n'aurai pas le temps de faire ma troisième partie, du coup, je crains... Ça, c'est une affiche du film de Karim Misquet qui s'appelle « Les musulmans en France ». J'ai mis ça parce que ça illustre, à mon avis, assez bien l'ambiguïté sur qu'est-ce que c'est qu'être musulman. Là, c'est une image qui, à mon avis, c'est la marche des beurs. À l'époque, ils ne sont pas labellisés, ils ne se labellisent pas eux-mêmes comme musulmans, mais... C'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué, mais en tout cas, ils ne sont pas labellisés comme musulmans. Le mouvement beurre n'est pas labellisé. Et là, quelques années plus tard, on va dire les musulmans de France. Je ne dis pas... Là encore, ce n'est pas de dire c'est bien, c'est mal, simplement... C'est intéressant, je pense qu'ils ont voulu, en faisant cette affiche, et d'ailleurs dans tout le film, c'est comme ça, il y a cette volonté de ne pas utiliser les stéréotypes sur l'islam, mais du coup, on va avoir tendance à labelliser des gens à qui on n'a pas vraiment demandé leur avis de savoir s'ils sont musulmans ou pas. Bon, c'est pas forcément pour critiquer ou pas, mais c'est juste une remarque. Ça, c'est un vieux journal de 56, où vous voyez la France chrétienne et la France laïque victimes de l'islam. Donc c'est intéressant parce que c'est... voilà, c'est vieux, quoi. Et puis France chrétienne, France laïque, ça va ensemble, tout ça. Alors ça, c'est les fameuses unes du Figaro magazine de 85. Serons-nous encore français dans 30 ans ? Et qui ensuite... Et c'est là on voit bien l'encodage. C'est-à-dire on va utiliser la Marianne voilée, etc. Donc les stéréotypes de l'islam pour, en fait, et un mois plus tard, boum, on parle de l'immigration. Donc voilà le passage de l'un à l'autre qui est assez intéressant. Et qui revient en plus, d'ailleurs, en 91, où on a le même type de schéma. On va utiliser l'islam pour parler, en fait, d'autre chose. Voilà la fameuse du Nouvel Obs. Et là, c'est 89. C'est-à-dire, ça en 89, donc, il y a l'affaire Rushdie et l'affaire des foulards de Creil. La première, là, en haut, c'est après l'affaire Rushdie, que veulent les musulmans de France. Et ensuite, les autres, c'est pendant l'affaire de Creil. Et leur fanatisme, nanana. Et puis après, ça se termine par les immigrés, l'enquête qui dérange. Ah oui, bah, ils ne s'intègrent pas, etc. Tout ça, c'est dû... C'est pour montrer bon, le passage vraiment de... Alors que les immigrés étaient victimes au début des années 80, ils deviennent vraiment les accusés à la fin des années 80. Avec l'émergence d'un discours sur l'islamisme. Là, c'est des filles de Creil, il me semble, qui sont donc une des toiles d'araignée de l'islamisme en Europe. Donc je serais bien allé sur la troisième partie, vous ne me laissez pas le temps ou... Ça va être... Il faut laisser un peu de place à la discussion. Ouais, ouais. Bon, pour élaborer. De toute façon, après, ça, c'est... La suite, en fait, c'est des choses un petit peu plus connues, on va dire, parce que c'est plus récent. Je suis désolé, j'ai tellement de choses à dire, vous avez prévenu. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions. D'ailleurs, la séance, il y a eu plus de monde depuis le début du séminaire. Donc ça montre l'intérêt que portent les participants à votre intervention. Donc avant de laisser la parole à la salle, j'avais quelques questions par rapport au livre et par rapport à l'intervention. Donc la question que je me pose, c'est qu'au début, lorsque tu mets le contexte notamment au niveau de la production d'informations, pourquoi est-ce que dans le livre, ça n'apparaît pas de manière aussi, aussi flagrante, c'est-à-dire que tout ce que tu as dit sur l'hégémonie de la télévision par rapport à la presse, la presse d'opinion qui diminue en force, les conditions de production de l'information qui favorisent les clichés sur l'islam, etc., ça ne paraît pas trop dans le livre. Et je me suis aussi posé la question en te lisant, est-ce que on peut donner des indications sur les journalistes qui une sociologie des journalistes qui s'intéressent à la question de l'islam, comment est-ce que tu as fait des entretiens avec eux, voir parce que ça permettrait d'affiner ce que tu as dit vers la fin lorsque tu parles de passivité et d'activité par rapport à l'islamophobie. Donc, comment est-ce que les choses qui sont, comme tu dis, dans l'inconscient, sont inculquées, ah oui. Donc, c'est-à-dire quelle formation ils ont, etc. Il y a un peu la partie production d'information sur l'islam qui me semble importante pour comprendre... le discours sur l'islam en France, je pense que c'est une question. Oui, bien sûr. Hein. Alors il y a pas mal de choses en fait qui sont mentionnées. Le problème, c'est comme c'est pas le sujet central du livre, disons. Il y a toute cette histoire de la presse d'opinion de gauche progressiste qui s'écroule, etc. Enfin, ou le fait que la télévision devient prescripteur d'opinion beaucoup plus que les autres, ou la question de la communication politique. Tout ça, c'est des choses que j'aborde, mais effectivement très brièvement. Il y a des choses que j'avais pas vues, par exemple, quand j'écrivais le livre, moi, toute la question de tout cet occidentalisme, cette défense des valeurs de l'Occident, ben, je l'avais pas vu, donc j'avais pas vraiment regardé aussi largement que ça. J'avais pas étudié aussi la question coloniale à ce point, donc bon, j'ai évolué aussi là-dessus. Et sur la question de la production de l'information, effectivement, c'est central. Je me suis rendu compte après coup qu'effectivement, j'insistais pas assez là-dessus. Simplement, il y a beaucoup de littérature là-dessus aussi. Donc, j'allais pas faire trois chapitres pour résumer plein de choses. Non, j'aurais dû peut-être. C'est un cas d'étude. Non, tout à fait. Ça permet de questionner la littérature existante sur la production de l'information. Bon, après, il y a des contraintes éditoriales aussi, je pense. Je pense, je sais pas, peut-être que j'ai anticipé l'idée que ça allait être réduit au montage, quoi, justement, cette partie-là. D'ailleurs, par exemple, dans mon travail de recherche, il y a toute une partie quantitative, quoi, où j'ai fait des tableaux. Évidemment, ouais. On publie pas ça, quoi. Mais bon, donc voilà, non, mais je suis d'accord. Hein, là, effectivement, il y a peut-être une insuffisance dans le. Est-ce que tu as peut-être du matériau qui pourrait... Et après, ça reste à faire. Et après, ça, je pense que ça reste... Enfin, il commence à y avoir pas mal d'étudiants qui font ça. Il y a peut-être parmi vous des gens qui travaillent là-dessus. Moi, je suis pas mal sollicité par des gens qui travaillent là-dessus, qui prennent souvent des cas, l'affaire des foulards à Lille ou je sais pas où, et qui essaient de voir les différents protagonistes, de faire des enquêtes pour savoir comment ils réagissent les uns et les autres. Moi, j'ai pas fait d'entretien systématique. Il n'y a pas beaucoup de journalistes qui m'aiment bien. Mais c'est pas ça. Mais en fait, j'ai rencontré beaucoup de journalistes et j'ai beaucoup travaillé moi-même comme journaliste, donc dans plein de supports différents. Et j'ai appris pas mal de choses sur la façon dont fonctionne le journalisme. Et après, il y a pas mal de journalistes qui m'ont parlé, mais c'était du off total. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'ai insisté un petit peu sur la hiérarchisation à l'intérieur des rédactions. C'est-à-dire que les journalistes qui sont tout en bas, ceux qui n'ont pas de pouvoir, en fait, ils sont super prêts à travailler bien. Simplement, les contraintes économiques, elles sont très très fortes, et les contraintes hiérarchiques. C'est-à-dire, moi, j'ai un ami, je vais pas le citer ici, mais qui part en Mauritanie pour faire un reportage sur la situation politique. Il voit que ce qu'on appelle les islamistes sont assez puissants. Bon, il va les interroger comme une force politique quelconque. Et son rédacteur en chef vient derrière en disant « Non mais attends, tu leur fais de la pub, là. » Donc il fallait rajouter des adjectifs pour bien dire que c'est des gens méchants, quoi. Et donc il y a toute une bataille qui se joue, simplement, entre le chef de rédaction qui est tout puissant et puis le petit journaliste qui est en bas, plus ou moins débutant ou en tout cas jeune, il n'a aucun pouvoir. Et donc il va finir par mettre les 2-3 qualificatifs qui vont faire que. Et puis, quand le reportage va être lancé à l'antenne, il va y avoir une petite introduction pour dire « Et vous allez voir des gens barbus qui sont très très méchants. » Ou quelque chose de ce type-là. Mais après, oui, et après, il y a des gens qui m'ont parlé, qui m'ont dit « Oui, c'est scandaleux », qui m'ont donné de la doc, etc., qui sont scandalisés par la façon dont se comporte leur chef, en fait. C'est souvent ça. Les discours sont souvent là-dessus. Et après, effectivement, beaucoup de discours un peu inconscients. C'est-à-dire, beaucoup de journalistes ne se rendent pas compte que quand ils utilisent le mot islamiste, par exemple, ça a des significations, ça renvoie à quelque chose, parce qu'il y a une forme d'inconscience. Mais on parle beaucoup de l'ignorance des journalistes. Pardon. On dit souvent, oui, mais les journalistes ne sont pas bien éduqués, etc. Enfin, en gros, ils ne sont pas formés à ça. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il vaut mieux pour eux qu'ils ne soient pas formés à ça. Sinon, leur position, elle sera comme moi, c'est-à-dire, elle sera plus tenable dans une rédaction. C'est-à-dire que si on est conscient de ce genre de choses, on peut plus faire des reportages comme tout cela, quoi. C'est on peut plus. Sinon, on a un vrai problème moral. Donc, il vaut mieux s'aveugler, en fait. Il vaut mieux être ignorant si on est un journaliste qui travaille sur l'islam. Ça, je pense que c'est assez fondamental. Moi, j'avais une autre question. À un moment donné, dans ton exposé, tu dis, voilà, dans les années 80, les perceptions changent, l'islamisation des regards, alors... Ça t'a peut-être échappé, tu dis alors que la réalité ne change pas. Mmh. Je me saisis de ce bout de phrase que j'ai noté pour poser une question plus large. Une des grandes difficultés quand on travaille sur les représentations sociales, sur le discours médiatique, c'est de raccrocher justement avec des évolutions empiriques. Mmh. Alors après, il faut pouvoir les mesurer un peu objectivement, mais la question qui se pose, et c'est aussi une des difficultés de toutes les analyses qui se focalisent que sur la représentation en tant que telle, c'est qu'on a du mal à la raccrocher à des évolutions peut-être plus précises sur l'islam vécu au quotidien, l'islam représenté, l'islam pratiqué, l'islam institutionnalisé, et j'en passe, et des meilleurs. Et là, en fait, on a l'impression dans la production académique qu'on a une vraie séparation très forte entre l'analyse des perceptions de manière générale et puis l'analyse de l'évolution de l'islam, pratique institutionnalisée, etc. Et du coup, à un moment donné, on a du mal à raccrocher un petit peu, à faire interagir les deux, au-delà de la question de la contextualisation qui est plus générale. Oui, non, je suis d'accord, c'est un problème auquel j'étais heurté, forcément. Après, il y a quand même des travaux qui sont faits. Par exemple, sur la question des ouvriers dans l'industrie automobile, des grèves ouvrières, etc., il y a eu quand même de la production. Mais il y a eu pas mal de recherches, par exemple, sur l'évolution des mosquées dans les usines, enfin des salles de prière dans les usines ou dans les foyers de travailleurs. Il y a eu plein de travaux dans les années 70, 80 là-dessus, et on sait pas mal de choses. Dans le bouquin de Gilles Kepel, Les banlieues de l'islam, il y a je sais pas combien de pages là-dessus, où quand même on voit... Bon, après, effectivement, c'est un peu un autre travail aussi. Moi, je me suis contenté de m'appuyer souvent sur ce genre de travaux. Parfois, je faisais par ailleurs de la sociologie sur des questions comme ça. Donc, j'avais aussi mes propres perceptions, quoi, on va dire. Mais bon, après, effectivement, là, il faut... Il y a à la fois savoir, essayer de voir ce que c'est la réalité, par exemple, les réalités statistiques, les réalités des salles de prière, tout ça, ça peut quand même s'appréhender. Et puis après, il y a une autre question, peut-être qu'on va y venir, c'est l'interaction. C'est-à-dire, qu'est-ce que ces images... Moi, personnellement, ce qui m'intéresse plus, c'est qu'est-ce que ces images produisent dans la réalité plutôt que qu'est-ce que la réalité... Parce que quand je regarde... Là, justement, c'est pour ça que j'ai sorti toutes ces images. Quand je regarde, là, sur 40 ans, il y a une continuité iconographique qui est impressionnante. C'est-à-dire que, quelle que soit la réalité, on a l'impression que, quelle que soit la réalité, on va avoir les mêmes unes, les mêmes... C'est incroyable, sur 30 ans. Donc la réalité... Parce qu'entre la une... De 87 entre celle-là et ce qu'on voit aujourd'hui, là, c'est fou, quand même. On est à 30 ans d'écart, et finalement, c'est toujours les mêmes images, quelle que soit la réalité, quelle que soit la statistique, même des soi-disant burkas, niqab, etc. Donc, moi, vraiment, ce qui m'intéresse plus, c'est l'autre côté, quoi, l'autre versant. Mais... Oui. Moi, j'ai eu l'occasion de constituer des archives à l'INA. J'ai commencé ça il y a quelques temps. D'après ce que j'ai compris, vous disiez en fait que l'islam, finalement, n'aurait pas été abordé finalement dans les médias avant les années 80. Moi, ce que j'ai observé finalement en essayant, par exemple, de des descripteurs d'islam, etc., c'est que en fait, assez régulièrement, depuis les années 40, il a été question finalement de l'islam jusqu'à aujourd'hui. Mais selon des modalités très différentes, en fait. C'est-à-dire que ce que j'ai observé à travers c'est que jusqu'à la fin des années 60, on abordait beaucoup la question de l'islam en situation coloniale. Et on abordait essentiellement à l'aune des fêtes religieuses, le Ramadan, etc. Après, de la fin des années 60 jusqu'en 1979, on va traiter de l'islam, plus de l'islam dans le sens intellectuel, ou de l'islam dans le sens des arts islamiques, ou des émissions complètes qui vont être faites pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce que l'islam d'un point de vue historique, etc. Essayer d'introduire les populations du monde, les téléspectateurs finalement de France, à cette religion. En tout cas, d'un point de vue historique, etc. Après, il y a un tournant très très intéressant, en tout cas à l'observation de ces archives, c'est que 1979 semble être un tournant et qui contribue à la reconfiguration et même à la stabilisation même de l'interprétation qu'on se fait de l'islam, à savoir à travers le prisme de l'islam politique. Et de manière très générale, va se construire une image relativement homogène sur la représentation qu'on se fait de l'islam à travers finalement le prisme iranien, et ceci jusqu'à aujourd'hui. Et moi, c'est ce que j'ai pu observer, et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, dans le cas des images que vous présentez, c'est une transposition du shadow finalement iranien. On peut faire cette hypothèse tout au moins. Donc moi c'est ce que j'ai pu observer, moi je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder toutes ces archives, d'accord, mais j'ai fait un recensement, donc j'ai une liste, il y a à peu près 60 000 finalement émissions qui ont été consacrées. Et une question que je me posais également, c'est est-ce que finalement à travers les couvertures que vous avez analysées, par exemple, moi, je fais un travail actuellement sur la polémique qu'il y a eu à Évry sur la question du Franprix. Et j'ai travaillé sur la presse notamment. Et sur la presse, on se rend compte finalement que plus finalement on va de l'extrême gauche à l'extrême droite, plus finalement on va traiter cette affaire. C'est-à-dire excusez-moi, n'a pas traité. Pour réduire pour la discussion. Ouais. Donc, c'était par rapport finalement à ces couvertures. Est-ce que ces couvertures sont assez. Ont été traités de façon égale par l'ensemble, par exemple, des magazines, ou sont plus représentatifs dans certains magazines, et notamment d'orientation politique, plus à droite, plus au centre. Je vous propose de prendre une autre question. Ouais. Oui. Écoutez, moi, je n'ai pas de question. Si ça ne vous ennuie pas, vous me direz si je suis trop longue, je ne vais pas être trop longue, je pense. J'ai plutôt des commentaires à faire. Je vous avais entendu déjà à l'Institut du Monde Arabe, je n'ai pas lu votre livre, par contre, donc je réagis à partir de ce que vous avez dit. Alors, par contre, je m'étonne que vous n'ayez pas parlé de la question du pétrole dans les années 73, parce que vu mon âge, je me souviens qu'il y avait alors des slogans du genre les Arabes avec des nez crochus, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc je pense que la question économique était quand même importante. C'est aussi ce qui désire en 73, c'est le choc économique pétrolier. Et donc, on stigmatise aussi les Arabes, même riches d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais ils ont la chance d'avoir des ressources pétrolières que l'on convoite en Occident. Donc je pense que ça, c'était quand même important de le souligner, hein, cette instrumentalisation, finalement, sur les Arabes, l'Arabe propos de ressources pétrolières, donc il y a tout, je me souviens, moi j'étais jeune, mais enfin je me souviens qu'il y avait toute une campagne déjà très, très raciste vis-à-vis de la culture arabo-musulmane. Alors le pétrole, par ailleurs je suis d'accord avec vous monsieur, je pense que insister sur la guerre d'Algérie, parler du choc des civilisations, effectivement c'est juste, mais je pense que dès le début de votre exposé, excusez-moi, j'étais prof, alors j'ai peut-être une tendance à être un peu, comment dire, pas dogmatique, mais vous auriez peut-être dû parler dès le début de la guerre d'Algérie, effectivement, parce que je crois que la colonisation, c'est quelque chose qui est encore... Excusez-moi, mais pour qu'il y ait une discussion, il faut essayer d'être assez court. Également, je voulais dire que... le choc des civilisations, certes, vous parlez d'un point de vue sociologique, mais en fait, tout ça, c'est une construction idéologique au service de l'économie, toujours, au service du capital. Hein, quand on invente le choc des civilisations, etc., c'est parce qu'on a des projets d'accaparement de richesse. Alors, peut-être que là, ça sort peut-être du cadre de votre recherche. C'est pas une critique, hein, c'est juste, je pense que vous y avez pensé, mais vous avez laissé cerner les problèmes. Hein. Par ailleurs, je voulais juste faire une petite analyse aussi sur les élus. Évitons les analyses, s'il vous plaît. Non, très rapidement, je ne sais pas parler, je pense que ce ne sera pas inutile pour les débats, on est aussi là. Mais je gère la parole pour que tout le monde l'ait de manière égale. Je pense que les unes, justement. Alors, ce que j'analyse un peu, c'est le mystère. Alors, le mystère, c'est toujours inquiétant, quand même aussi, hein, le fait d'avoir un voile. Le côté inquiétant, on voit souvent aussi la fillette voilée. Alors ça veut dire, vous voyez, le fanatisme dès l'enfance, etc., comme si ça... C'est pas innocent, hein. La fillette et le côté mystérieux, donc dangereux, bien sûr. Et puis sinon, je voulais aussi quand même souligner le glissement du discours du Nouvel Observateur, qui, effectivement, des positions de Jean Daniel qui se montrait, effectivement, qui quand même défendait la culture arabo-musulmane, avec la question de Palestine, glisse quand même à un discours qui n'est plus du même ordre que dans les années que vous avez citées. Voilà. Et puis alors certains représentants de l'islam qu'on voit toujours à la télévision, du genre Mathieu Guibert, Abdelwahab Abdelder, qui tiennent des tribunes et qui décident de la vision qu'on doit avoir de l'islam. Par ailleurs, vous avez dit aussi que les dominés sont parlés plus qu'ils ne parlent. Alors moi, je pense qu'il y a des dominés qui ont dû dire ce qu'ils pensaient de la guerre d'Irak, etc., mais qu'en fait, on doit certainement, on les coupe au montage, tout simplement aussi. Donc, c'est vrai qu'ils adoptent beaucoup, dites, le discours dominant, hein, mais je pense que je sais aussi qu'on coupe au montage les discours qui seraient dérangeants et qui iraient à l'encontre du prêt à penser politique, médiatique. Voilà, j'ai fini. Merci. Ça fait beaucoup. Non, mais je suis d'accord avec. Non, mais je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de souci. Juste un point là sur l'histoire du Franprix et tout ça. Ce que j'avais remarqué aussi, puis j'ai travaillé avec des étudiants qui m'avaient sollicité pour les aider, disons, sur ces questions-là. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a une différence, je pense, entre le journalisme local et le journalisme national. Ça, c'est une distinction qui est rarement faite. Mais par exemple, les journalistes locaux. Ils savent qu'ils sont surveillés, ils savent que quand ils vont acheter leur baguette de pain, ils risquent de tomber sur le type qu'ils ont interviewé la veille. Quoi. Donc effectivement, il y a une forme de contrôle social là, des journalistes au niveau local qui est beaucoup plus fort, alors que la presse nationale, très centralisée en France, va avoir tendance à... Justement, la dose d'imaginaire va être beaucoup plus forte, à mon avis, parce qu'ils peuvent aller dans une banlieue quelconque quand ils vont acheter leur pain dans le 15e arrondissement. Absolument personne pour leur dire que ça pose problème. Ça, à mon avis, c'est quand même assez important. Et sur les affaires de foulards, par exemple, souvent, c'est des histoires locales. Quoi. C'est-à-dire, il y a une famille qui... Enfin, sur l'affaire de Creil, par exemple, mais sur toutes les affaires qu'il y a par la suite. Parce que, c'est une seule affaire, l'affaire des foulards. C'est souvent des affaires locales qui, au niveau local, sont traitées avec une forme de sensibilité. C'est-à-dire, les journalistes, ils comprennent bien que là, il y a une situation un peu compliquée, un peu... Et quand arrive la presse nationale, alors là, ça se déchaîne complètement et on sort complètement de la question de justement de la famille, de la question pratique à un discours théorique sur l'islam, le foulard, la laïcité, etc. Donc ça, je pense que c'est choses à prendre en compte. Sur les questions économiques, ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est ce que je voulais. Sur la question de la périodisation. Et sur la question de la périodisation, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'effectivement, ça se passe comme ça. Et ce que vous soulignez, je pense que c'est une forme de déreligionisation de l'islam, en fait, d'une certaine façon. C'est-à-dire que pendant très longtemps, quand on a un discours finalement très racial, quoi, où on parle des Nord-Africains, on a ces concepts-là, ces mots-là. On parle de Nord-Africains. Du coup, quand on parle d'islam, c'est simplement les aspects religieux, voire traditionnels au maximum, mais en tout cas teintés de religion, des Nord-Africains. À partir du moment où on ne parle plus des Arabes, on ne parle plus des Nord-Africains, l'islam englobe tout ça. Ce qu'on appelait les Nord-Africains, ce qu'on appelait les... Donc, il se déreligionise d'une certaine façon, c'est-à-dire que l'islam s'amplifie, devient beaucoup plus... Donc, je pense que c'est un peu cette évolution-là aussi qu'il faut souligner. Et c'est pour ça que, dans les années 80, vraiment... Enfin, bon, la périodisation, elle est difficile, parce que ça dépend des médias, et parfois, il y en a qui démarrent plus tôt. Bon, le Nouvel Obs, c'est très, très intéressant, effectivement, de ce point de vue-là, dans le retournement et dans le réencodage, extrêmement important, extrêmement intéressant. Mais je pense que c'est ce qui se passe, c'est-à-dire un élargissement... la question. Malgré les unes sur le foulard, en fait, derrière, on parle de l'immigration en général. Je vais vous donner la parole, juste une petite précision. Mathieu Guider, je ne sais pas s'il a déjà été présenté à la télévision comme représentant de l'islam, c'est plus un expert convoqué pour commenter l'actualité. Et Abdelwahab Medeb, c'est pareil, c'est pas tant un représentant qu'un témoin. Mais qui est très ambigu de ce point de vue-là. C'est la frange modérée, rassurante, etc. On est d'accord, mais ce n'est pas des représentants institutionnels de l'islam, c'est ce que je veux dire par là. Merci pour l'exposé. Moi, non plus, j'ai pas vu le livre. De participer à la présentation. Et en fait, tout au début de l'exposé, vous avez mis une hypothèse qui est finalement maintenant une hypothèse classique de la gauche, enfin, de plusieurs intellectuels de gauche en France. C'est cette idée que, en fait, le discours sur l'islam ou l'islamophobie, on peut dire ça pour le racisme aussi, d'une manière plus générale, qui a l'air de viser plutôt les racisés ou bien les musulmans, en réalité est là plutôt pour masquer des politiques économiques qui visent d'une manière plus large, vous avez insisté là-dessus, plus largement aux classes populaires. Et en fait, du coup, le libéralisme est masqué par ce discours. En fait, ce discours est là pour masquer le libéralisme. J'ai cru au début comprendre qu'en fait c'était l'hypothèse un peu générale de tout exposé. Après ce que je comprends, ça concerne juste la première partie, c'est-à-dire les années 70. Après, venant dans les années 80, deuxième partie, vous avez mis une autre hypothèse qui est, vous me corrigez si j'ai mal compris, vous avez parlé de plusieurs fonctions de l'islamisation de la réalité dans les années 80. Et là, c'était l'enjeu. C'était plus cet enjeu économique, si j'ai bien compris, des années 70, mais autre, qui était réencoder la race, faire perdurer. Voilà, c'est perdurer. Ouais. C'est-à-dire, en effet, l'islamophobie est un racisme caché, et c'est une forme de néo-racisme, etc. Et, du coup, ma question, en fait, est pourquoi, comment vous spécifiez cette hypothèse, pourquoi ça change des années 70, est-ce qu'il y a une particularité des années 70 au niveau économique qui est où la crise arrive dans les années 80, ou pourquoi le racisme, plutôt le racisme qui est l'enjeu dans les années 80, enfin, voilà, c'est une différence que vous faites, premièrement. Et deuxièmement, ça c'est la remarque que je voulais faire pour donner des questions, c'est dans la première partie, il me semble que c'est plutôt une conviction que vous mettez, que c'est après ce que quand vous déclinez cette première partie, c'est plus, vous parlez plus du contexte, c'est-à-dire du contexte économique, etc. Vous voulez dire que dans ce contexte économique, il y avait la crise où les relations internationales étaient des sales sortes. Ça ne prouve pas, je pense, j'ai pas l'impression que c'est fondé, l'hypothèse est prouvée, parce que le contextualisation ne marque pas que, en réalité, c'est le libéralisme qui essaie d'être masqué par un racisme anti-musulman. D'accord, merci, ça c'est une remarque très intéressante sur le Oui, sur le contexte et tout ça, oui, alors c'est pas uniquement... Le problème, c'est que j'ai travaillé sur d'autres choses depuis, j'ai notamment travaillé sur les mouvements tiers-mondistes, et notamment un mouvement qui s'appelait Solidarité, qui était porté par Henri Curiel. Et donc j'ai pas mal travaillé aussi sur les discours qui étaient portés, et sur l'évolution du discours sur les courants tiers-mondistes. Donc là, je raccrochais en fait les analyses que, effectivement, j'avais pas faites à l'époque, mais qui me semblent importantes pour contextualiser de quelle façon émerge cette question de l'islam imaginaire, l'islamophobie, à travers d'autres travaux que j'ai pu faire. Bon. Donc, mais effectivement, ce n'est pas une étude systématique que j'ai faite là-dessus, mais je me suis rendu compte, en fait, que ce que j'avais vu, notamment à la télévision, dans la presse, etc., était complètement connecté avec toutes ces évolutions idéologiques. C'est-à-dire, le discours de Bruckner ou le discours de Lewis ou ce genre de gens, finalement, c'est ça qui va progressivement être intégré, carrément assimilé dans le discours sur l'islam en France au fur et à mesure. Par exemple, l'idée de Lewis sur le choc des civilisations, c'est un truc finalement qui va être intégré dans la lecture de l'islam. Et le choc des civilisations, c'est pour ça que j'insistais beaucoup là-dessus, c'est en fait cette matrice essentialiste de la lecture de l'altérité, c'est ça qui va s'infiltrer dans... Et c'est ça qui va permettre le réencodage de la race, en fait, d'une certaine façon. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ce choc des civilisations, il va se jouer, quand je parlais du métissage et des mariages mixtes, en fait, c'est une application micro-locale par l'intermédiaire des reportages de ce choc des civilisations. Et que finalement, cette logique-là générale, qui n'était pas au départ infiltrée dans les reportages, finalement, au fur et à mesure, il va s'infiltrer. Ça va devenir la doxa. Donc c'est là que c'est pour ça que j'insistais beaucoup là-dessus, et j'insiste beaucoup sur effectivement les racines non islamiques ou non islamisables de l'islamophobie, parce qu'à mon avis, effectivement, tout discours, tout fait de parler, a pour vocation aussi de faire taire. C'est-à-dire, si je parle pendant une heure, vous allez vous taire. Et très souvent, l'islam, la question de l'islam dans les médias, à la télévision, a cette vocation-là. Si on fait 15 minutes au début du journal télévisé sur l'islam, on ne va pas parler d'autre chose. Et c'est un peu ce qui... Donc il y a à la fois une fonction d'occultation et aussi de faire passer la pilule. C'est-à-dire, sur les mouvements ouvriers, c'est clair et net. L'exemple que tu as donné des grèves ouvrières de 80-83, c'est vraiment ce moment-là qui est un véritable basculement, puisque les grèves de Talbot-Poissy, de Citroën-Honnay, c'était des grèves qui étaient uniquement sur un registre ouvrier. Donc, contre licenciement, salaire, etc. Il n'y a aucune revendication portée par les ouvriers qui était liée à la religiosité. Et la manière de justifier le non-soutien du gouvernement des travailleurs immigrés, ça a été d'une forme de disqualification en utilisant le signe religieux. Et... il y a la mémoire de Vincent Gay qui était soutenue l'année dernière, qui a montré que ce discours, c'était un discours qui a été produit par des militants CFDT, qui ont été les premiers à disqualifier les militants ouvriers qui étaient plutôt CGT. Et ce discours-là, il a ensuite a été alimenté par des membres des renseignements généraux qui ont informé le gouvernement, et c'est ce discours-là qui est devenu dominant. Donc, vous avez parlé tu as parlé de Monroy, de Fer, il y a aussi Auroux qui utilise le terme laïcité à l'époque-là. Donc ce qui me semble vraiment important dans cette période-là, c'est qu'il y a un basculement, on passe d'un conflit de classe à un conflit religieux. Et c'est ça, à mon avis, qui essaie de dire Thomas. Mais je pense qu'il... C'est que c'est un masquage, c'est un changement de stratégie, c'est une manière de d'être... de maintenir la face. Je pense que ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que là, effectivement, ce qui est bien avec cet exemple-là, c'est qu'il est assez documenté et qu'il est très clair. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui se passe là, le réétiquetage finalement d'un phénomène social à travers des catégories d'aspects religieux, c'est quelque chose qui est permanent, quotidien. C'est pour ça qu'au début, je disais, c'est le contexte. Enfin, je parlais un peu de contexte général. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, en fait, c'est ce qu'on voit quasiment chaque jour dans les rédactions de télévision. Ce qu'on devrait voir, en tout cas, ce qui est latent dans les conférences de rédaction, par exemple. Il va y avoir, oui, des discussions à l'intérieur des rédactions, qui disent, oui, mais attends, en fait, c'est pas vraiment une question d'islam. Sur cette question d'étiquetage, les révoltes de banlieue de 2005, c'était amusant, d'ailleurs, parce qu'en France, on a eu un discours sur les banlieues, parce que la banlieue, c'est un autre étiquetage de réencodage qui fonctionne sur un mode totalement imaginaire aussi. Mais à l'étranger, c'était islamisé. Et donc il y avait là deux discours. Et ce qui était amusant, c'était de voir les médias français qui disaient regardez, vous êtes beaucoup moins. Nicolas Sarkozy, qui était mis derrière, a quand même dit la question des émeutes, c'est l'ordre des bandes et des barbus. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est d'être contredire par les services de renseignement généraux à l'époque, qui ont publié un rapport en disant écoutez, les barbus, ils ont essayé tant bien que mal d'essayer de calmer le truc, personne ne les a écoutés. Donc c'était présent en termes de disqualification, on a retrouvé de même. Ce qui est intéressant, c'est la tension permanente qu'il y a. Est-ce que finalement on va labelliser islamique, de façon islamique, un phénomène ou pas? Et ce qui est intéressant, quand je parlais de l'écroulement des courants de gauche, c'est ça, c'est que cette parole-là, elle est plus portée. C'est très très très rare. Quoi. Et ce qui est dans le même sens, le livre de Pierre Thévagnan, Le voile médiatique, raconte aussi un peu ça, comment des mouvements. Il étudie notamment le traitement médiatique de l'affaire des foulards de 2003-2004, et il explique notamment comment les mouvements de contestation au sein de l'éducation nationale ont été complètement court-circuités par cette offensive sur le foulard à l'école, quoi. Et que du coup, il y a eu des divisions à l'intérieur du syndicat, etc. Et que ça... Donc, c'est pas simplement à un moment donné, ça y est, tout a basculé, c'est en permanence. Oui. Oui, j'entends très bien ce que vous dites, mais j'ai l'impression que toute contestation sociale est disqualifiable, on peut le disqualifier justement avec des arguments racistes, c'est une chose, et je ne suis pas sûre que c'est exact, et ça j'entends très bien l'exemple que vous avez donné par rapport à les Grégouriers, très précis, dans ces interfaces, je trouve que c'est ça a l'air d'être ça, et ça c'est très... Par contre, je ne suis pas sûre que de dire ça et après essayer de donner des explications économiques ou de dire en fait c'est plutôt dans l'ordre des classes sociales que le racisme ou un conflit interethnique, je ne sais pas, parce qu'il y a d'autres sortes d'explications possibles, en faisant par exemple monter plutôt les généalogies vers le colonialisme, etc. Je ne suis pas sûre que c'est exactement la même chose. Vous voyez, j'ai l'impression que deuxième, c'est un peu par partir de ça, mais un peu généralisé, peut-être d'une manière, enfin monter en généralité explicatif. Je suis moins convaincue un peu le point. Je suis pas sûre de bien comprendre, mais peut-être. Mais le colonialisme, c'est un phénomène économique aussi. Hein. Entre autres, oui, bien sûr. Aussi. Mais la question, c'est pas qu'en France, c'est. Votre question, c'est est-ce qu'il y a un lien entre la montée de l'islamophobie et le néolibéralisme? Ah oui, c'est ça. En gros, c'est le lien entre les deux qui vous paraît pas bien prouvé. Oui. D'accord, ok. Bon, d'accord. Ouais. Je me suis pas mal appuyé, comme je vous disais, sur les travaux. Je voulais aller plus loin sur l'histoire de Bourdieu, l'histoire de la main droite, la main gauche de l'État me semble hyper importante. Et ensuite, c'est la relecture qu'en fait Vacan sur la criminalisation des classes populaires. Et en particulier, il a même un texte qui s'appelle « La race comme crime civique ». Et ça, c'est intéressant, où il explique justement comment toute cette logique... Bon, après, moi, je m'appuie sur des travaux, je ne peux pas tout faire, quoi, mais sur des travaux qui existent et qui sont directement connectés avec mes propres travaux. Et là, il explique ça, quoi, comment on criminalise des gens et que la race devient elle-même un crime civique. Enfin, c'est typiquement ce qui se passe au moment... Après, c'est bon... Mais... Voilà, la démonstration est peut-être mauvaise, mais je pense que c'est vraiment ce qu'on voit. Et puis le néolibéralisme et les médias, moi j'irai encore plus loin en fait, c'est que les médias, les grands médias, ont été des opérateurs de criminalisation, c'est-à-dire, et même quasiment de sanctions symboliques. C'est au même titre que la police ou que réprimer les couches dominées des classes populaires, les médias vont faire un peu la même chose sur le plan symbolique. Oui, c'est une question par rapport à une époque beaucoup plus contemporaine, mais même par rapport aux années 80, fin des années 70-80, c'est aussi un basculement à droite idéologiquement. Et dans les années 80, dans certains courants d'extrême droite, c'est l'idée d'identité qui est mise en avant, qui va se répercuter après. Donc c'était pour parler du poids des organisations, ou en tout cas des intellectuels, des droites radicales, qui à l'heure actuelle, on le voit en boucle dans toute l'Europe, même au niveau des doctrines, c'est-à-dire qu'on voit certains essais, le concept d'Oravia, une colonisation... d'un complot de l'islam pour coloniser l'Europe, du concept que sont été forgés aux marges de la droite radicale et réapparaissent au niveau de l'actualité. L'exemple emblématique, c'est que le bloc identitaire avec Riposte laïque a fait des assises sur l'islam. Et quand vous parlez de racisme actif, donc l'islamophobie active, c'est les droites radicales sont... est-ce que c'est eux qui sont à l'initiative et qui portent le... Parce que maintenant, il y a une droitisation et on va puiser chez les organisations d'extrême droite, des intellectuels, des ouvrages qui datent d'il y a 30-40 ans, quand on voit tout est déjà là, et qu'ils avaient déjà prévu pour gommer la question sociale, c'est la question identitaire qui prime. Et à l'heure actuelle, il y a... Enfin, bon, c'est parce qu'objectivement, voilà, la question économique et sociale, la plupart des gouvernements n'arrivent pas à en trouver la solution, donc on prime sur la question identitaire. Et c'est le basculement aussi de la droite de toute la sphère intellectuelle en Europe et occidentale, et même mondiale, parce que même dans tous les pays. Et je voulais savoir, par exemple, plus contemporain, est-ce que c'est un accélérateur, parce que là, ils sont en train de ils sont en pleine dynamique, est-ce que ça, c'est qu'on voit la victoire des droites radicales, ou c'est parce qu'on les met en avant, parce que c'est inversement, c'est... C'est un peu l'œuf et la poule, quoi. Mais moi, c'est un débat qui m'intéresse énormément, et je pense que c'est un débat central. En fait, c'est un peu une des conclusions à laquelle je voulais arriver à la fin de ma troisième partie. C'est un peu cette dialectique-là entre islamophobie active, islamophobie passive, et y a quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Enfin, et je pense, moi, personnellement, que c'est plutôt le terreau qu'il faut traiter, finalement, plutôt que les gens qui, finalement... ne font qu'attiser le feu. Enfin, je pense qu'en tout cas, il ne faut pas occulter le fait que ceux qui attisent le feu ne font qu'attiser le feu. C'est-à-dire que derrière, il y a tout ce qu'il faut pour que le feu prenne. Et ça, j'ai eu un exemple assez récent, je ne sais pas si je dois en parler là, mais récemment, il y a une journaliste plutôt en bas de la hiérarchie journalistique de France 2 qui m'appelle pour un spécial islamophobie sur Envoyé spécial. 52 minutes, boum. Elle me dit, est-ce que vous voulez bien venir analyser des images et tout ça, moi je discutais avec elle, très sympathique, j'ai un discours assez anti-journalistique, mais très sympathique, simplement au bout d'un moment je comprends que ce qu'elle appelle islamophobie c'est uniquement, juste précisément, ce qui circule sur les sites de Riposte Laïque, du Front National, etc. etc. Et là je lui dis, attendez, moi je sais pas si vous avez lu mon livre, tout ça, mais simplement moi je m'intéresse pas prioritairement au courant d'extrême droite, pour moi l'islamophobie c'est quelque chose de beaucoup plus général et malheureusement beaucoup plus souterrain. Et là, elle ne me l'a peut-être pas dit aussi explicitement que ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Elle me disait, vous comprenez bien qu'on ne peut pas parler de ça. Moi, ce que je lui ai dit, je veux bien analyser des images, mais je voudrais bien analyser certaines images d'Envoyé spécial, par exemple. Elle m'a dit, vous comprenez bien qu'on ne pourra jamais faire ça. Et dans ce cas-là, on ne pourra jamais traiter le problème, à mon avis. Vous êtes d'espoir un peu? Pardon? Parce que vous pouvez décider un truc qui est tellement structurel. Et j'ai pas fait la troisième partie. Hein. À un moment donné, c'est très intéressant tout ce que sur la construction des médias, comment les institutions fabriquent les représentations, évidemment. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un sentiment de panique d'une lecture matérialiste de l'histoire, quoi? Du matérialisme historique, quoi. Face à ce phénomène-là. Et genre, quand vous dites, quoi, il faut traiter. Phénomène-là, c'est quoi? Face à l'islamisation, face à l'islamophobie, c'est face à cette religiosité. Religionisation. En termes religieux, des phénomènes qui n'étaient pas avant, mais qui étaient en termes sociaux. Par exemple, vous, à un moment donné, ce que je veux dire, c'est que dans votre analyse, les ressources théoriques qui pourraient être dans l'islam lui-même, par exemple, ne sont pas mobilisées. Par exemple, quand vous dites, je rêve un peu, excusez-moi, mais au sens où quand vous dites l'islam, il n'y a pas d'islam réel, il n'y a que des représentations, quelque part, la question de la représentation, c'est quelque chose d'important dans l'islam, et donc c'est quelque chose quelque part qui caractérise les différences épistémologiques entre l'islam et le christianisme, par exemple. Et donc, si on laisse ce type de discours essentialiste à Bernard Lewis, il faudrait arriver à faire le lien, quoi. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas à l'intérieur... Tout simplement, l'expression « à l'intérieur de l'islam » ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que je ne sais pas où sont les frontières de l'islam. Donc, c'est pas un homme, Jacques Berck, je crois pas qu'il était musulman, mais c'est, à mon avis, un très bon penseur de l'islam. Donc, c'est là, moi, je crois qu'il faut complètement déconstruire ça jusqu'au bout. C'est pour ça que je pars du présupposé que l'islam n'existe pas. Parce que... Est-ce que ça, c'est pas l'islam? C'est une question que je me suis posée, effectivement. Ouais. Non, en fait, c'est une position théorique. C'est une précaution. C'est une position théorique pour dire, si on va à la racine des choses, il faut partir de là. C'est-à-dire que si on... Parce que si on part du présupposé que l'islam existe, dans ce cas-là, les trois quarts des conclusions importantes qu'il faut tirer, on ne peut pas les tirer. Mais c'est un cadre matérialiste, quoi, quelque part. C'est aussi pour sauvegarder un cadre de pensée, qui est aussi le cadre de pensée des milieux intellectuels français qui paniquent. Je ne suis pas sûr de comprendre votre histoire de panique, là. Mais c'est très intéressant, mais je ne comprends pas, en fait, en quoi... Justement, en plus, le fait que j'ai travaillé sur les représentations n'est pas forcément le signe le plus... Je veux dire, parmi les gens qui font de la critique des médias, moi, je suis considéré comme un paria, quoi. Qu'est-ce que tu vas parler des sujets qui font diversion ? Par exemple, dans les milieux bourdieusiens, justement... plein de gens qui vont dire ça, mais pourquoi tu passes ton temps à parler de l'islam ? L'islam, ça fait diversion. Donc je ne suis pas très bien sûr de comprendre dans quelle catégorie vous me mettez, mais je suis d'accord avec vous, hein, sur la question de est-ce qu'on peut quand même dans le discours, utiliser l'islam comme catégorie ? Dans ce cas-là, si on le fait, comment on le fait ? Enfin, c'est plutôt ça, cet aspect-là de votre intervention. Je ne sais pas si tu avais lu « Covering Islam » d'Edouard Saïd avant de faire le livre. Oui, je l'ai lu dans le cadre... Il résout un peu cette question en disant la même chose que toi, qu'il n'y a pas d'islam en soi, que chaque individu, chaque communauté construit sa propre représentation de l'islam, mais il parle de communauté d'interprétation. Et que le rôle du philosophe ou du spécialiste de l'islam, c'est de reconstituer ces communautés d'interprétation. Et le discours hostile à l'islam étudiant dans l'orientalisme, c'est une communauté d'interprétation comme une autre. Voilà, c'est un peu la solution qu'il propose. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ton analyse, c'est que ça poursuit un peu le travail de Saïd, dans la mesure... Très bien. Bah, c'est vrai, c'est pas que j'ai l'autorité pour dire ça, c'est pas ça que je veux dire. C'est que, objectivement, ça poursuit dans la mesure où... dans l'introduction du livre Covering Islam, il y a la volonté de dire que ce livre-là, c'est la troisième étape après l'orientalisme. La première étape, c'est orientalisme, publié en 1978. La deuxième étape, c'est la question de Palestine. Et la troisième étape, c'est Covering Islam. Donc, Edouard Saïd pense le discours sur l'islam contemporain en essayant de penser la relation entre l'orientalisme du 19e siècle, début 20e, et le discours produit sur l'islam dans la période contemporaine. Donc, dans le livre, il s'intéresse surtout à 1979, à la crise, non seulement la révolution, et puis la crise des otages dans l'ambassade américaine à Téhéran. Et donc, lui, il parle de ressemblance. Donc, ça me permet de poser la question du rapport entre la période orientaliste et la période actuelle. C'est-à-dire que dans le livre, dans ce que tu as dit, tu dis que, c'est un postulat, tu l'affirmes, qu'il y a un héritage colonial, tu parles d'inconscient colonial, etc. Est-ce qu'on ne peut pas affiner un peu cette question-là ? Est-ce que c'est si nouveau ? Est-ce que c'est pas plus, non, est-ce que c'est pas plus nouveau que ce qu'on dit ? Quel est le lien entre la période orientaliste et la période actuelle ? Est-ce qu'il y a des discours islamophobes, officiels et tout, d'organisations d'extrême droite et même de droite, ce qu'on appelle populiste, émanant de pays qui n'ont pas eu de colonie ni de contact avec en Europe du Nord, en Europe de l'Est, et pourtant ils se sont emparés de cette question parce qu'il y a aussi la question stratégique de la racialisation, c'est-à-dire grosso modo depuis Auschwitz, le discours raciste biologique plus ou moins disqualifié, même s'il perdure, et qu'il y a un nouveau véhicule, un autre, et que il y a aussi la question, là, qui est récente, israélo-palestinienne, qui fracture de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et donc, même au sein d'organisations d'extrême droite d'Europe de l'Est, il y a eu des changements stratégiques qui étaient véhiculés par un antisémitisme classique et qui sont passés à une islamophobie, considérant que c'était plus porteur à l'heure actuelle. Mais quand je parlais des banques de données, bon, je suis obligé d'aller très vite, puis je ne suis pas spécialiste des représentations, des croisades, etc. Mais à mon avis, il y a donc trois banques de données. Une qui vient vraiment du temps des croisades, enfin le discours orientaliste typique, classique. Il y a cette banque de données républicaine qui est liée à la phase de colonisation. Et la troisième qui est très liée effectivement à la guerre d'Algérie et à la décolonisation. La première banque de données me semble s'appliquer à tout ce qu'on appelle les pays occidentaux. Et c'est là-dessus qu'ils ont beaucoup puisé. Et le 11 septembre, enfin, la révolution iranienne et le 11 septembre ont été vraiment fait ressurgir ce type d'imaginaire. Pour moi, ce qui m'intéresse dans cet imaginaire-là, c'est surtout cette fracture, justement, et c'est à la fois cette fracture Orient-Occident et cette essentialisation de l'altérité qui est à la base du discours islamophobe, enfin, aux racines du discours islamophobe. Donc là, effectivement, il y a, je pense qu'on aille en Angleterre, même en Lettonie ou je ne sais où, on va avoir cette matrice-là qui va s'appliquer partout. Les deux autres sont beaucoup plus spécifiques à la France et la France est un cas quand même un peu particulier, notamment à cause de la guerre civile. C'est ça que j'aurais voulu aborder la troisième partie, c'est la guerre civile algérienne, moi, et la montée en puissance du discours sur l'islamisme, qui est là, la France est carrément en avance, si j'ose dire, dans la codification ou la recodification de ces questions. Mais de toute façon, tous ces imaginaires, ils s'entremêlent complètement, donc c'est très difficile de les distinguer les uns des autres. Bon, j'essaie juste de clarifier. Pour la guerre civile algérienne, on n'a pas eu le temps d'en parler, parce que là, justement, il y a tout ce que vous disiez dans les années 80. Il y a l'iconographie de la femme algérienne, il y a le débat qui devient carrément un débat français entre djihadistes et éradicateurs. Donc, quelque chose, enfin, je vais lire, en tout cas. J'imagine que... Mais surtout, excusez-moi, on doit laisser la salle, ceux d'après. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Je vous rappelle, merci à Thomas pour la prochaine séance du séminaire aura lieu le 18 janvier et on va accueillir Carole Reynaud-Paligaud. Donc le titre de l'intervention, c'est « D'étamisme racial ou religieux, anthropologue, islamologue et représentation des indigènes musulmans colonisés ». C'est une deuxième phase où on rentre dans la question de l'islamophobie savante. Donc, si vous voulez recevoir des informations sur le séminaire, indiquez votre adresse email sur le papier qui a circulé normalement. Non, il n'a pas circulé. Après moi, il n'a pas circulé. Ah, bon, donc, indiquez votre adresse email, comme ça vous recevrez les informations. C'est Covering Islam. Ça a été traduit en 2011, c'est l'islam dans les médias, édition Actes Sud. Ouais. Ce séminaire, il y a un blog par rapport à ce séminaire sur le site d'hypothèse.org. Vous allez sur hypothèse.org, vous mettez le mot islamophobie, vous allez tomber sur le blog de ce séminaire, dans lequel on met un enregistrement des interventions. Moi aussi je l'ai vu. Voilà, c'est tout. Ah, merci.